01 42 48 5000. Le dernier alors pour ce soir du coup. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, oui. Ouais, salut. Salut. Salut. Salut. Vas-y, fais vite, hein, Mickaël, hein, ne nous laisse pas parler après minuit. Deux secondes, dépêche-toi. Après 23 Comment heures. Tu t'appelles? Je m'appelle Elias. Tu veux dire quoi, Elias? J'appelle pour avoir un pack fun. Ah bon, oui, pas de problème. Bien sûr. T'as une petite dédicace? Et une dédicace au collège Jacques Prévert. Ouais. Ah bah voilà. Désolé Elias de t'avoir comme ça un petit peu poussé à aller vite, mais tu connais Mickaël, hein, il est sans pitié. Oui, oui. Et il ne laisse pas parler les auditeurs jusqu'au bout. Il veut commencer son émission avant c'est le pour vrai lui, début. C'est pour lui la sirène. Il a mis le feu dans son studio. Un pays bon. Pompier, vite. On vous retrouve demain bisous, sur Fun Radio. Les voyous débarquent. Ah, mais non, mais enfin bon, là, on est en retard, là. Ah, bah, attends, ouais. Mais non, attends, il n'est pas 23h01. Si, bah si. Ah, si 23h48 secondes, Doc. Sans déconner, bah, 23h48 secondes. Tu sais, on va te retirer ça sur ton salaire, les 48 secondes. Oh, bah dis donc, alors là. C'était pour passer un message pour les petits. Ah, oui, mais pas, ça passe. Mais pas le doux qu'il y a eu juste avant, là. Ah, j'ai essayé. Oui, ça n'a pas marché. Bon, et ça marche, on se retrouve demain. Ouais. Voilà. Bon, demain. Mickaël, non limite jusqu'à 2h. Bon, bah, bonne nuit. Salut. Salut. Allez, salut à vous tous, toutes et tous. Et puis là, on est parti maintenant jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Moi, le truc, c'est que quand je fais l'amour à ma meuf, ben, je pense à ma factrice. Pourquoi, elle est bonne, ta factrice? Bah, franchement, c'est un cheval, elle est trop bonne. Mais en fait, je voulais savoir à quoi elle pense quand vous lui faites l'amour. Qu'est-ce que tu veux dire, la rousse de mange-merde de trou du cul que tu es? Et n'appelle plus, parce que si je sais qui tu es, je vais te casser les dents. Hein. Mais enfin, ça se fait pas, monsieur. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Mickaël, nos limites, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live sur Fun Radio. Exact, il est 23h02, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et si vous n'étiez pas là hier, et bien comme vous avez pu l'entendre, vous avez raté une émission de ouf. Alors c'est surtout sur la fin qu'il y a eu, alors ça a bien démarré. Puis après, bon bah voilà, l'émission a continué, etc. Et puis on s'est dit vers la fin, bon bah c'est la fin de l'émission, bon bah voilà c'est la fin. Et puis là, paf, retournement de situation, Bim, catastrophe. Je vous explique dans quelques minutes évidemment ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Bon, quoi qu'il en soit, on est là sur Fun Radio 23h-2h tous les soirs de la semaine. C'est du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. N'est-ce pas Gwen qu'il y a enfin quelque chose le soir à écouter à la radio? Salut, ça va bien Gwen? Oui, bah ça va, ça va. Bon, ça va. Hein. Bon, alors Gwen qui nous a fait notre petit... elle nous a fait notre soirée. Hein. Elle a fait notre soirée, notre fin de soirée surtout. Puisque Gwen, bon bah... en gros, si vous voulez, donc son mec est passé... je sais qu'on est plus les heures, mais je crois que c'était vers 1h du mat. Pour dire qu'il se marrait, qu'il aimait sa meuf. Mais bon, qu'il y a son pote qui l'engrainait à chaque fois pour faire des plans à trois avec une meuf et lui. Et donc, bon bah voilà, il se l'a ramené, il roulait des mécaniques. Ouais, il se la pétait. Voilà, jusqu'à ce que Gwen nous envoie un message en disant « Espèce de sale enculé, je t'ai reconnu, je viens de brûler, etc. etc. » Un peu comme... « Enculé, monsieur, va te faire enculer !» Voilà, un peu comme... « De mange-merde, de trou du cul que tu es !» Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, on a eu Gwen en fin d'émission et bah, elle attendait le retour de monsieur, c'est ça? Non. Enfin, elle attendait, en tout cas, t'attendais des nouvelles pour voir un peu ce qui allait... Voilà, mais j'ai rien eu. Voilà, bon, alors attends, très bien. Bah, alors, ne bouge pas de là, on va en parler dans quelques minutes, Gwen, d'accord? Ok. Ne bouge pas. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, vous allez enfin savoir ce qui s'est passé, j'espère en tout cas. Et puis bah pour les autres, vous allez simplement apprendre toute l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez déjà réagir à Gwen ou parler d'autre chose, eh bien vous faites le 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0 et on parle ensemble tout simplement. Sandro également qui est au taquet là, qui a passé une bonne journée Sandro. Ouais, très bonne. Très bonne, qu'est-ce que vous faites beau aujourd'hui? Bah piscine ce matin. Ah bah ça va, bah beaucoup voilà. De piscine. Grosse journée. Bah pour une fois, bah grosse. Journée. Journée. C'est vrai, exactement. Il y a Toff qui est toujours au taquet, bien entendu. Hein. Bien sûr. Bah oui. De trou du cul. Tout à fait. En mode sac à merde. Comment je merde de trou du cul que tu es. Voilà. Enculé, monsieur. Va te faire enculer. Bon, et de nouveaux appels qu'on aura l'occasion évidemment de faire tout à l'heure. Si jamais d'ailleurs vous avez, vous connaissez des gens, des ennemis ou des amis, vous voulez qu'on les emmerde un petit peu, qu'on rigole quoi. Eh ben, vous balancez vos numéros de téléphone de ces personnes sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Ce seront tout à l'heure donc les appels malveillants qui reviendront donc vers 23h30, minuit 30 et 1h30 du mat. Vous connaissez maintenant le principe. Polo également qui est là et qui ne sort jamais sans ses doux, bien entendu. Hein. L'armée des doux qui est toujours au taquet. Je rappelle qu'un doux est un auditeur de Fun qui n'a pas encore mué ou qui tout simplement a moins de 15 ans. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc voilà, comme ça vous savez, vous avez fait le tour de tout. Dans quelques minutes, on va parler de la colle également. On va saluer Lisa qui est là. Trop bonne émission. Merci d'être là pour enfin me faire rigoler le soir. Je vous adore. Un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah écoute, oui. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Voilà, avec le Med qui dit coucou la familia. Salut Club Med. Il y a Devers45 sur le Twitter. Salut les gars, tranquille ou quoi? Moi tranquille, un peu fatigué, mais je vais tenir pour vous jusqu'à 2h du mat. Ça, c'est cool, Devers45. Steph également. Bonsoir la team. Possible d'avoir un message de bienvenue également. De mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, Marie également qui dit coucou mes chéris, comment ça va Mickaël, je t'aime même si t'es trop grand. Oh ça va, je fais 1m78. Bah oui. Y'a pire. Bah oui. Bon après on a, je sais pas quel âge t'as Marie. Et Fredes34 qui dit bonsoir toute la team. Salut Fredes34, bonsoir à tous les autres également. Si vous voulez venir nous rejoindre et discuter avec nous sur le Facebook, sur le Twitter, vous tapez simplement M-I-K-L officiel. Vous venez nous rejoindre, on est plus de 443 000 sur la page Facebook. Donc continuez, passez le message à tous vos amis. Ils débarquent tous les soirs, de plus en plus nombreux et nombreuses. Et puis bah prévenez-les qu'il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir et la nuit, un peu aussi sur Fun Radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe, 23h, 2h du mat. Bon, on va prendre également Alter ou Alté, comme on dit. Allô. Salut Mickaël. Salut, comment on dit ton prénom? Alté ou Alter? C'est Alter. Alter, c'est comme... c'est turc, c'est comme une Alter pour faire des muscles, quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est pour savoir si ça se prononce comme ça. Et voilà. Est-ce que ton fils, tu vas l'appeler Abdo ou Pompe? Peut-être. Ou Biceps? Biceps? Non, dans l'idéal, c'est de pas avoir d'enfant pour le moment, quoi. Oui, à 23 ans, ouais. Oh, quoique, il y en a qui en ont déjà, hein, cela dit. Mais oui. Bah oui, peut-être. Bon, alors, Alter, toi, t'avais une colle pour gagner l'iPod Nano qu'on offre ce soir. iPod Nano a gagné vers minuit 30 à peu près. Hein. On va donc balancer la colle maintenant. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il repart tout simplement avec l'iPod Nano. Vas-y, fais péter, Alter. On m'entend bien? Eh ben, écoute, jusque-là, tout va bien. Alors, la colle. Arrache-en une et gratte-moi la tête. Ce qui est rouge devient noir et se jette. Alors. Je sais. Bon, attends. Arrache-en une et gratte-moi la tête. Ce qui est rouge devient noir et se jette. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse à la colle d'Alter qui appelle de Bobigny en Seine-Saint-Denis, eh ben vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Ouais, j'ai la réponse. Dis-moi. Je veux le cadeau de suite. Fais péter la réponse. Un poil de cul. Un poil de cul, Alter. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah bon, bah, si vous avez la bonne réponse, tant pis. Hein. Si vous avez la bonne réponse, je vous mets la colle dans quelques minutes, dans quelques secondes même, sur le Facebook de l'émission, comme ça vous allez pouvoir la lire. Il suffit tout simplement donc de taper Mickaël officiel sur Facebook, vous nous rejoignez comme ça tout simplement. Et puis vous repartirez peut-être avec l'iPod Nano, ce sera tout à l'heure, dès que vous aurez eu le temps de répondre surtout en fait, hein, vers minuit 30. D'ici là, on te récupérera plusieurs fois Alter pour que tu puisses répéter la colle à tous les retardataires, d'accord? Ça marche, pas de problème. T'as envie d'écouter un son particulier ce soir ou pas toi? Non, c'était bien les Rihanna d'hier. C'est plutôt cool. Tu veux quoi, le Rihanna? Ouais. Un petit possible. Rihanna. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Tu veux quoi comme Rihanna? Un vieux Rihanna, un nouveau Rihanna, enfin quoi? Un moyen Rihanna. Non mais je veux dire un ancien ou un plus récent, tu veux quoi? Je dirais les anciens, l'Umbrella si possible. Ah, et des L'Umbrella. Ah, attends, putain, il y a celui-là que moi que j'aimais beaucoup. Alors attends, je vais essayer de le retrouver. Umbrella, c'est vrai qu'il était bien. Il était bien, mais moi j'aime beaucoup celui-là. Ouais, attendez. Man Down. Alors, t'aimes bien ou pas toi, Man Down? Ouais. Ou tu préfères autre chose, hein, dis-moi. Hein. Moi j'aime non, bien non, celui-là, non, mais. C'est parfait. Ah, bah parfait, bon, on va se mettre celui-là alors. Bon, ça, Pascal Rémy à la prog. C'est toi Alter qui a demandé Rihanna, hein? Ouais, c'est moi. Voilà, très Pascal bien. Rémy et son orchestre. Pascal Rémy, exactement. Non, mais parce qu'il fait très attention à l'orchestre qui passe. Voilà. Hop là. Bah écoute, je le prépare, hein, le Man Down là. Hop là, ça y est, il est prévu. On le mettra tout à l'heure. Bah avec plaisir, Alter. Et puis on écoutera aussi Katy Perry avec Birthday. Ce sera Birthday, il y aura Calvin Harris. Il y aura aussi DJ Smash avec le son d'Electro Beach. Et puis plus proche de nous, déjà au cœur du Nord sans pub, je vous calerai aussi le son de Pitbull et Gino. Ce sera We Are One. Et si vous voulez écouter un son en particulier, eh ben, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, comme d'habitude, sur le Twitter de l'émission. On fera le top tweet tout à l'heure également. Et Cédric Edine, très bonne radio pour rigoler. Un message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah écoute, avec plaisir. De trou du cul. Bah voilà. De trou du cul. Bah voilà. Bon, alors, donc vous y allez, vous n'hésitez pas, vous demandez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste, qui avait envoyé un message, qui voulait un message de bienvenue pour mon pote Omar, qui est nouveau. Ah bon, bah si c'est un nouveau, alors attends, je vais lui en mettre un petit nouveau aussi, tiens, justement, de message de bienvenue, car on en a plein hein, qui sont arrivés. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Voilà, je vois bien l'expression. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Ce qui ne veut rien dire. Parce que difficilement, d'enterrer au-dessus de la terre, c'est compliqué. Hein. C'est impossible. Dans l'idée, effectivement. Bon, alors, revenons donc maintenant à notre sujet number one, Gwen, qui est de retour. Ah. Gwen, est-ce que tu es toujours là, ma chérie ? Oui. Très bien. Donc, Gwen, comme je le disais, pour les retardataires, ceux qui viennent d'arriver, eh ben, Gwen nous a appelé. Enfin, nous a appelé. Alors, Pierre, son mec, nous appelle vers 1h et des brouettes hier soir, là, dans la nuit, pour nous faire son cinéma. Il est avec un mec, il est avec un pote, machin. Son pote, l'incite souvent à aller pécho d'autres meufs à gauche, à droite, et que, bah, là, il était sur le départ. Et Mickaël dit, ça ne se fait pas. Exactement. Ta meuf, ça se fait pas, ça se respecte. Voilà. Moi, j'ai dit aussi, je dis, mec, ça se fait pas. Enculé, ouais, toi, t'as dit oui, toi, non ? Moi, c'est ça, ah non, merde. C'est tough. Moi, j'ai dit pareil. D'ailleurs, une minute. J'ai dit pareil, vas-y, fonce. Non, une minute. Voilà. Allez, fous voilà. Le camp. Une minute, c'est honteux, ce une minute de pénalité. Une minute au coin, voilà, c'est ça. Donc, Gwen en est témoin, j'ai effectivement dit, ça se fait pas. Oui. Voilà. Donc, je t'ai défendu, alors je ne te connaissais même pas, tu n'avais pas encore appelé. T'as envoyé un message sur Facebook en disant que t'allais le tuer, que c'était un connard et que tu l'attendais de pied ferme avec le rouleau à pâtisserie. Et bon, bah, depuis, on n'a plus de nouvelles. Heureusement, t'as eu des nouvelles, toi ou pas ? J'ai appelé, j'ai réussi à la voir et puis on s'est pris la tête. Oui, bah, je me doute bien. Bon, et alors justement, on l'a avec nous, la Pierre qui est avec nous. La Pierre, t'es là ? Ouais. Bon, alors, quand on sème la tempête, merde. Qui sème le vent récolte la tempête. Parce que quand c'est ce que je voulais dire. Quand on sème la tempête, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Parce qu'on peut la semer la tempête. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Une baraque dans ta gueule, parce que la tempête c'est tellement violent que tu peux recevoir une maison sur ta gueule. Eh ben regarde, il a pris une baraque sur la gueule là. Ouais. Regarde. Alors Pierre, avant que Toff ne puisse revenir de son coin là après une punition. Alors, dis-nous Pierre, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gwen ? Déjà, tu peux peut-être dire bonjour à Gwen, à moins qu'elle veuille pas absolument pas entendre ta voix, ce qui est totalement possible. Bonjour Gwen. Ouais, mais il fait le malin en plus, Pierre. Hein, Pierre ? Il se la raconte. Hein, tu fais un peu le malin quand même. Il a raison. Non, il a pas raison. Bon Pierre, tu t'en veux ou tu t'en branles ? Bah, un peu quand même. C'était pas vraiment la bonne réponse. Mais enfin bon. Donc t'aurais dû dire oui, je m'en veux, je suis un connard, machin, etc. Ouais, bon, le connard, je suis un fumier. Voilà. Ouais, insulte-toi, tu as raison, mais tu ne pourras pas être un doux quand même. Oui, c'est clair. Bon, et donc, du coup, comment ça va se passer, Pierre ? Est-ce que t'as une idée ? Il faut que je rentre à la maison après, ça va être un peu plus dur. Oui, ça c'est sûr, ouais. Et toi, Gwen, comment tu le sens, là, dans ta tête, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je reste calme parce qu'il y a ma fille, mais ouais. Oui, parce que je rappelle que pour couronner le tout, évidemment, Pierre est papa. Hein. Ouais. Ah oui, parce que sinon c'était pas drôle. Hein. Autant aller jusqu'au bout des choses. Bon, et hier soir, bon, moi je vais retourner un peu le couteau dans la plaie là, mais hier soir, finalement, il s'est passé un truc ou pas, Pierre, avec la meuf là ? Ouais. Ah, tu vois, ça c'était la mauvaise rêve. Ta gueule, quand même, espèce de con. Ah, qu'il est con, lui. Mais il est vraiment con. Je te kiffe, Pierre. Je te kiffe, c'est mon héros. Ah oui, entre trous du cul, vous pouvez vous aimer. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Bon, et à la limite, il pouvait pas savoir encore à ce moment-là, parce que t'as pas entendu quand Gwen est passé en direct. Si, après, j'ai entendu, ouais. Non, mais t'es pas sérieux. Donc, comment ça, après ? Tu t'avais déjà fait ta connerie avec ton pote ? Non, mais là, mais en fait, j'étais à la voiture, en fait, j'y allais, en fait. Oh là là. Et ça t'a pas dit, et tu t'es pas dit, bon, je vais rentrer chez moi parce que là j'ai foutu la merde dans la famille, je vais rentrer parce que. Non, tu t'es dit, bon, je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout. T'es mon héros, je suis parti. Quoi qu'il arrive, je me serais fait engueuler pareil, donc voilà. Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Non, mais alors là, je rêve. Je vais te dire un truc, tu sais, ton pote là, qui est en train de t'emmener là un peu partout et tout, un jour il va te dégager, il va t'oublier et tu resteras seul comme une merde. Exactement. Et 3 ans de mon expérience. Oui. Donc, non, mais voilà, et Gwen, ce qui est bien, c'est que Gwen a encore le sourire. Ouais, là, bon, je pense qu'elle rigole jaune, mais elle a encore le sourire. Qu'est-ce que tu vas faire de Pierre du coup, Gwen ? Eh ben, déjà, il va rentrer et puis on va s'expliquer et puis après on verra. D'accord. De toute façon, il faut qu'elle sache que bon, dans une main elle a la poêle, dans l'autre elle a le rouleau à pâtisserie. Hein, putain, donc ça va faire mal. Eh mec, Pierre, mais j'espère, je ne sais pas si tu te rends compte, comme je le disais avant dans le chéri cheveux de fin cocu, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as ? Bah oui. C'est-à-dire que je fais le quart de la moitié du dixième, du millième, du cent millionième à ma meuf, mais jamais ça passe. Non mais. Ah, attends. Je suis chanceux, hein. Ah oui, non mais attends, mais c'est improbable. C'est-à-dire que tu la trompes, tu le dis ouvertement à la radio que c'est pas la première fois. Elle l'entend, elle te démonte, tu vas quand même baiser une autre meuf le soir même. Le lendemain, vous passez tous les deux à la radio et elle dit bon, on va discuter, puis on avisera. Merde. Mais en même temps, elle a pas le choix, ils ont un gosse, tu vois. Elle peut pas lui dire tu prends tes affaires, tu te casses. Mais bien sûr que si, elle peut lui dire, ça l'empêche pas de pouvoir voir le gosse, mais elle peut lui dire écoute, tu prends tes affaires et tu vas te faire enculer. Ah non, mais si je casse, il verra plus sa fille. Non, alors ça, par contre, si je peux faire l'avocat du diable, c'est pas bien, parce que la petite, elle a rien demandé, hein. Exactement. Oui, c'est non mais attends, mais après je te donne mon avis, t'en fais ce que tu veux, Gwen. Mais ça reste son père, si tu veux, tu vois. Eh Pierre, c'est... est-ce que tu es tombé sur la tête il y a quelques temps et tu ne te rends plus compte des choses? Parce que t'as l'air un peu bizarre. Non, je pense, avant j'étais très bête foraine, donc peut-être que les managers m'ont fait tourner la tête, peut-être, je sais pas. Ah peut-être, ouais. Il y a Mr. Steven sur le Twitter qui dit Pierre est vraiment débile. Secret Key qui dit super connard. Ouais, c'est gentil, Secret Key. Enfin bref, tout ça pour dire que... Mais c'est mon héros. À la place de Gwen, effectivement, moi je t'aurais déjà fait tes valises en fait, hein, mais tout dehors, là, tout devant la rue. Bah j'imagine, ouais, tout le bordel dehors, là, ça y est, c'est plié. Et puis, mais après... Gwen, c'est pas bien, ça reste son père. Aussi con soit-il dans la vie amoureuse, ça n'empêche que ça reste son père. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux pas lui dire, voilà, t'as pas de père, ça c'est pas. Tu pourras juste lui dire, ton père est un connard, il est dehors, vas-y, va le rejoindre, quoi. Voilà, ça ouais. Bah bon, après, vous faites votre life, évidemment, hein. Bon, vous nous tenez au courant, tous les deux, là? Ouais, ça va. Bon, ça roule. Allez, Pierre, réfléchis un petit peu, et puis, bah, Gwen, bah, bon, bonne chance, hein. Salut, Gwen, gros bisous à vous deux, à bientôt. Ouais, bisous. De quoi, Pierre? Une petite dédicace à Kamel quand même. Bah tant qu'à faire. D'ailleurs, Gwen, tu ne comptes pas inviter son pote à la maison pour manger ce week-end? Ouais, c'est ça, oui. Non? Bon, je sais pas, je demandais, hein, mais bon. Bon, je le vois pour lui. Bon, bah, c'est très bien. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Allez, ciao. On fera le Je t'emmerde aussi, le grand jeu du mercredi soir. On aura le karaopé, mais ça, c'est tout à l'heure, aux alentours de 1h du mat, donc on a le temps de voir venir. Et puis, on est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h. On démarre bien ce soir. Hein. Ah, on est au top. Ah, on démarre pas mal du tout. Les appels malveillants, ce sera juste après Pitbull et Gillo sur Fun Radio. We are one. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct, il est 23h20 sur Fun Radio. Il y a Lucas qui dit allez top, fais-nous rire avec tes appels. On va faire ça en quelques minutes, bougez pas. Kylian aussi, hello, je peux avoir un message de bienvenue, please. Je vous écoute tous les soirs. C'est du délire, le moment de détente de la soirée. Merci Kylian. Bah écoute, si tu demandes, allez, on va t'en mettre un petit message de bienvenue. Attends. Va te faire foutre, connard. Ben voilà, Baptiste également là. Les mecs comme ça, faut leur couper les couilles. Ah, c'était par rapport à Pierre qui a trompé sa copine. Ouais, ça n'empêche pas de baiser. Hein. Bah, oui, il y a Captain Wasabi aussi qui dit je soutiens Gwen. Vladimir Poutine qui également il dit Gwen nique lui sa mère à ce bâtard de mes couilles. Enfin, attention, parce que si Vladimir Poutine s'en charge, ah, c'est chaud là, ça peut finir en catastrophe. Grand pas également qui dit ça fait environ 75 ans que je vous écoute, je pourrais avoir un beau message de bienvenue, un courtois bien entendu. Alors c'est compliqué les messages de bienvenue courtois, hein. Attends, je vais peut-être celui-là. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Ça va, il est courtois celui-là. Oui, ouais. Très. Franchement, il est propre. Je peux avoir un message de bienvenue aussi, ça fait 7 mois que je vous écoute, vous déchirez. Est-ce que tu peux mettre DJ Snake aussi? C'est Aigle du 29. Alors attends. Ta mère a le sucer les bites de culier, Cotier. Voilà, Aigle du 29, faut que tu me dises lequel tu veux de DJ Snake, parce que là, il y en a plusieurs, donc faut me donner un titre aussi. Et Valentin qui dit I'm the man, s'il vous plaît, une dédicace au collège André Rimbourg à Douville. Non, à Doudéville, pardon, ah, c'est pas pareil. Et Céline aussi, et la famille, désolé pour le retard, c'est pas grave, Céline, on te fait des gros bisous. Et Aurel 1901 qui dit moral à zéro après une défaite en finale, mais vous me remontez le moral. Ouh, ça va aller. Mais dis en finale de quoi? Tu nous as pas dit en finale de quoi là? Bon, appelez-nous hein, si vous voulez parler avec nous. Vous êtes les bienvenus. Bon, on parlait de mecs qui trompent avec Gwen là tout à l'heure. Et il paraît selon un coach anglais que c'est la faute des femmes. Ah. C'est Pierre qui va être content s'il nous écoute, hein. Faut le savoir. Mais il a raison, c'est les femmes qui nous poussent à tromper. C'est parce qu'apparemment, elles en demandent trop à leurs mecs. Du coup, bah ils baissent les bras et vont voir ailleurs. Alors elle dit aussi que les hommes préfèrent mentir parce que les femmes ne veulent pas faire face à la réalité. Du coup, bah ils mentent et vont chercher ailleurs du coup des autres coups d'un soir. En fait, pour conforter leur statut d'homme, voilà. Et puis généralement, ça ne dépasse pas le coup d'un soir, parce que bah la moitié des mecs, quand ils voient la meuf au réveil, ils se barrent. Ça marche aussi quand les meufs voient la gueule de Toff au réveil, hein, elles se barrent. Oui, enfin même avant. Voilà, c'est vrai. Donc les mecs et les filles, bah, venez nous dire hein, ce que vous en pensez. C'est quand même assez chaud, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, l'histoire du elles veulent pas faire face à la réalité, c'est vrai. Bah oui. Et le pire, c'est quand tu leur inventes un truc parce que t'as pas envie de te prendre la tête et que derrière, tu sais, elles le découvrent et après elles te font non, mais si tu me l'avais dit, franchement, je me serais pas énervé. Alors que c'est pas vrai, le résultat est le même. Mais c'est pareil, même chez les mecs, il y a des mecs, tu leur dis un truc et puis ils le vivent mal. Et puis si tu leur caches, ils le vivent mal encore une fois. Alors qu'ils disent, ouais, si tu l'avais dit au début, ça aurait tout changé. Alors qu'en fait, non, ça aurait pas tout changé. Il y aura un autre problème, mais ce serait aussi un problème. Donc voilà, mais je pense que les mecs et les filles, c'est pareil, faut pas déconner. Non, les meufs, c'est pire. Arrête. Les meufs, c'est pire. Bon, allez, appelez-nous si vous voulez donner votre avis là-dessus, justement. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine, à cause de quoi c'était dû? Voilà, à cause d'elle, à cause de vous, à cause de quelqu'un d'autre. Bah, appelez-nous et on en parle. Et puis, on prend Maya avant de faire les appels malveillants. Maya qui est avec nous de Tours. Salut Maya. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, tant mieux, Maya. Qu'est-ce qui t'amène? Non, en fait, j'ai appelé la dernière fois pour emmener mon chéri au Brésil. Oui, ah oui, ah c'est oui. Vrai. Ah bah oui, Maya, bah bien évidemment, j'avais presque oublié, là. J'avais presque oublié. Bah oui, c'est parce que je t'emmène pas, c'est ça? Oublié. Bah oui, maintenant ça me revient, c'est dimanche que ça va appeler. Hein. Oui, c'est ça. En me faisant miroiter monts et merveilles, j'étais prêt à déjà prendre mes bagages, j'étais quasiment faite pour aller au Brésil, non, voir les valises de foot. Faites. Les valises étaient faites, j'étais là, elles étaient là, prêtes, et puis bah rien. Et puis tu devais demander à ton mec. En gros, l'histoire, si vous voulez, c'est qu'elle avait appelé parce qu'elle est fan de foot, son mec pas du tout, et que ben elle a prévu de l'emmener au Brésil pour la Coupe du Monde, ce qui est sympa. Ah non, ça y est, on a les billets d'avion, on a tout, ça y est. Oh. Quelle déception. Ouais. Quelle déception. Enfin, pour nous, hein, après, oui, toi, oui. J'imagine que t'es contente, mais. Et donc, du coup, bah, on a appelé son mec en direct et j'avais dit, bah, écoute, c'est pas grave, si ton mec veut pas aller au Brésil, moi je viens. Oui. Et puis c'était toujours disponible et prêt. Connard là, cette espèce de connard qui dit oui. Ah ouais, alors qu'il aime pas le foot. C'est scandaleux. Non mais une honte. Enfin bref. Bon, donc du coup vous partez au Brésil. Oui, j'appelais là pour vous remercier parce qu'en fait il m'a demandé. De quoi? Il m'a demandé en mariage ce matin. Non. Oh. Attends, on n'est pas responsable de ça. Hein. Non mais après so sweet. Moi je pensais qu'il allait dire, en tout cas je voulais vous appeler parce que je vous invite aussi. Mais non. Je vous invite, mais vous payez le billet. Oui, ah bah oui, bah, vous nous invite pas vraiment quoi. Ouais, donc tu nous invites pas des masses en fait. Bon mais c'est pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Bon après on peut venir hein, quand même. Hein. On dormira tous dans la même chambre hein, par souci d'économie. Bah on n'a pas le choix. Hein. Parce que vu qu'au Brésil, à mon avis, ça coûte quand même 2-3 couilles d'habitude. Mais alors là, pendant la période de Coupe du Monde, je pense que c'est plus des couilles, c'est plus des couilles. Ah, c'est toutes les couilles possibles. Ah bah là, je pense c'est que. C'est pour là... ça que j'en ai plus, je crois. Des couilles, oui. Bah pourquoi t'en as eu un moment? Non, mais on en a tous, hein, sauf que nous, les femmes à la naissance, ils sont remontées. Oui, c'est ça. Et tu sais que mes couilles sont remontées aussi, moi. Tu sais que mes couilles sont remontées quand j'étais petit, j'avais été à la visite médicale. Oui. Et il y avait donc la doctoresse, l'infirmière. Elle m'a touché les couilles et puis là, elle me dit, oh, il y a un problème. C'est déjà le truc qui rassure, hein, même si quand t'es tout petit. Et puis, en fait, ouais, j'avais une couille qui était oui, remontée. Ça descend. Non, c'est pas redescendu, en fait, elle était trop remontée. Ah, t'es obligé de la... Ouais. Du coup, en fait, j'ai dû aller chez le médecin une fois par semaine, trois fois, donc trois semaines d'affilée. Il a dû me faire une piqûre sur la fesse. Ah ouais. Et du coup, bah, la couille est revenue à sa place. Bah, c'est cool. Ah, bah, heureusement, t'imagines, c'est cool. On a sauvé la couille. Juste un truc, Maya, je sais pas qui t'a raconté l'histoire de vous naissez avec des couilles, mais c'est pas vrai. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est faux. Bon, c'était plus une vanne. Tu mais n'as bon. Pas de couille. Bah, en tout cas, Maya, je suis content. Je suis content pour toi, c'est bien, bravo, c'est bien. Bah, c'est bien. Gentil. Et moi, je voulais vraiment vous remercier parce que, bah, Vincent, c'est grâce à vous aussi. Mais oui, c'est vrai. C'est grâce à toi. Mais oui. On veut venir au mariage, hein, bouffer les dragées, tout le bordel, hein, le gâteau et tout. Hein. Ça, y a pas de problème. Bon, très bien. Tu nous oublies pas parce que tous ceux qui viennent et qui font un mariage, là, chaque fois, ouais, vous serez invités et puis je peux te dire qu'on peut chaque fois se brosser. Ah hein. Non, ça, je promets. Moi, il faut juste qu'on me donne l'adresse et j'envoie les faire part. Oh, bah, alors, bah, t'envoies ça à Fun Radio, Mickaël, 20 rue Bayard à Paris. Eh ben c'est parfait, mais c'est promis, j'envoie. Bon bah très bien, nous on viendra, il y aura Tof qui fera le presque DJ, il fera l'animation. Ouais, je serai presque DJ. Surtout pas. Voilà, et puis nous on veut récupérer. Tu vas faire quoi comme mariage? Comment ça, je vais faire quoi comme mariage? Non mais je veux dire, tu vas te marier petite fête et tout ça. Oui. Très bien, oui. Bon. Mais pas à l'église. Non mais on s'en fout, ça c'est pas très grave, voilà. Tant mieux. Hein. Nous c'est juste la bouffe qui nous intéresse. Même. Voilà, nous c'est manger, boire. Hein, si vous voulez, j'essaierai de recréer l'ambiance du Brésil. Du Brésil, très bien. Très très bien. Bon bah parfait. Tu as déjà trompé ton mec ou pas toi? Bon, celui-là ou un autre hein. Non, par contre, lui, enfin voilà, il y a eu des soucis avec lui. De quoi? Celui avec qui tu vas te marier? Oui. Ah bah c'est parfait, ça tient. Ah bon. au moins vous êtes mis bien, et quoi. Puisqu'on est dans le sujet, qu'est-ce qui s'est passé en deux mots là? C'est pourquoi? Bah en fait, je crois que ça faisait trois mois à peu près, j'ai regardé dans son téléphone à tout hasard, comme par hasard. Oui, c'est ça, le fruit du hasard. Il y avait le code, mais je l'ai dit. Il y avait le code, mais je l'ai mis. Voilà, c'est ça. J'avais été regarder dans une autre, dans son portefeuille pour trouver le code par hasard. Et puis bon bah, et puis donc. Et du coup, j'ai vu des messages de son ex où elle lui envoyait des photos d'elle toute nue. Et lui, il lui disait, est-ce que je peux te dire un truc? Et elle lui disait oui, il lui a dit, bah t'es toujours aussi magnifique, toujours aussi fair. C'est bon ça. Oui, enfin bon, c'est pas catastrophique ça. Ah bah, il a quand même mangé pendant 3 semaines. Oh oui, d'accord. Non mais qu'après tu l'aies mal pris, pourquoi pas. Mais attends, moi j'ai une fille, même si c'est une ex qui m'envoie. Bon après, si elle m'envoie une photo nue, c'est bizarre. Même si je l'ai déjà vue nue, mais et si elle est toujours bien et qu'elle me demande, je lui dis bah oui, t'es toujours bien. Enfin non, je l'ai plus. Non, ça se fait pas. Le papa de mon fils, m'a quitté pour retourner avec son ex. Donc c'est pour ça que je l'ai pris mal par rapport à celui qu'elle aime me marier avec. Non mais ça, je suis d'accord. Mais je dis pas que ça se fait ou que ça se fait pas. C'est juste que voilà, c'est pas parce que tu fais un compliment à une meuf que c'est la catastrophe. Une ex, c'est une ex. Mais ouais, ça se fait pas. Mais c'est dingue. Donc ça veut dire qu'il peut même pas revoir ses ex ni rien. Mais non. Ah ouais, putain, moi j'ai pas, enfin je m'en fous quoi, tu vois, c'est-à-dire que si ma meuf va revoir son ex pour boire un verre ou que moi je vais revoir mon ex pour boire un verre, je vois pas le problème. Ah si non, c'est une ex, non. Mais justement si c'est une ex, t'as plus de crainte puisque ils ont déjà essayé, ça s'est mal passé, donc ça mais s'est arrêté. Mais justement, ils ont déjà essayé, donc ça peut donner envie de recommencer. C'est donc ça. Toi tu préfères que ton mec aille boire un verre avec une autre meuf nouvelle, bah avec oui, qui fraîche. Avec une fraîche avec qui il s'est jamais rien passé, dans l'idée bah que peut-être. Il se sera jamais rien passé en fait. Oh j'ai là moins là. Peur en fait qu'il aille avec une autre fille qu'avec ses ex. Ah ouais, mais putain. Mais je suis alors là parano moi, je suis vraiment parano. Non, mais t'es parano dans le mauvais sens. Parce que moi je peux te dire que si je vais boire un verre avec une de mes ex, je sais très bien qu'il ne se repassera rien parce que si c'est une ex, c'est que c'est une ex, tu vois. Sinon, bah oui, ce serait pas une ex. La vie m'a appris que non. D'abord, écoute. Comme je disais tout à l'heure, le papa de mon fils, moi, il m'a quitté pour son ex. Je comprends, mais je comprends pas pourquoi t'as pas peur du coup que ton mec aille rencontrer d'autres meufs. Ça te dérange pas? Non, parce que j'ai confiance en lui à ce sujet-là par rapport aux ex. Mais c'est n'importe quoi. Confiance. Maya, je peux pas te défendre là-dessus. Non, soit bah t'es là, parano sur toutes les meufs. Soit tu peux pas faire de ségrégation sur la parano. Ouais, mais c'est non, ça. Et soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Y a pas de question d'ex ou n'importe quoi. Ça, c'est tu peux laisser ton mec avec 10 meufs méga bonasses ou moches ou avec 10 ex. Si t'as confiance en lui, t'as confiance en lui. Tu vas dormir sur tes deux oreilles, point barre. Mais y a pas. Je raconte en fait pourquoi. Vas-y. Le papa de mon fils est parti en prison. Ouais. Je l'ai soutenu pendant 3 ans. Et au final, bah, il m'a jeté comme ça. À train d'accoucher en me disant bah écoute, ça fait 6 mois que je te trompe, je suis retournée avec mon ex. Ouais, mais c'est pas parce que t'es sortie avec un enculé que tous les mecs sont des enculés. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que si. Ah ouais, toi. Et l'autre, elle va se marier. Ah bah si, tous les mecs sont les enculés, bah je me marie, hein, c'est génial. Lui, il m'a appris, mais Maya... parce que lui, il m'a appris à avoir confiance. Non mais Maya, attends. J'ai pas confiance en... Maya, l'autre, c'est un tolard. Alors je sais pas si c'est un escroc ou un vendeur de drogue, mais le mec, il a fait de la tôle et tu prends ça comme exemple. Ah oui, voilà l'exemple. Tu vois, tu peux pas dire que tous les hommes sont comme lui. Bon, il y en a deux. Ouais. Si, il y a Toff. Non mais moi, il est quand même un sale connard. Mais après, les autres sont quand même bien, tu vois. Parce que regarde, quand tu fais un truc dans l'équipe, il y a moi qui suis évidemment parfait sous tous les angles. L'homme idéal. Voilà, Toff qui est un gros connard et Polo qui est un semi-connard. Tu vois, c'est, ouais, il est connard par intérim. Voilà, il est connard par intérim de temps en temps, quoi. Quand Toff est malade, c'est moi le connard. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis par intérim. Mais bon, en tout cas, merci Maya d'avoir donné des nouvelles et puis bah amuse-toi bien au Brésil, hein. Oui, ça va, je pense à vous. Non, bah, on va surtout t'appeler quand il y a des bons matchs, hein, t'inquiète pas. Hein. D'accord. Bon, bah oui, attends, tu nous donneras le numéro de l'hôtel, comme ça tu payes pas l'international. Et puis nous, on t'appelle pour que tu nous donnes un peu les infos, voir ce qui s'est passé, les matchs, tout le bordel. Je donne tout en direct. En fait, on a eu la réponse hier, je crois. On va aller voir 3 matchs. Lesquels? On va aller voir la quart de finale, la demi-finale et la finale. Ah bah donc tu vas voir... Ça va, vous êtes mis bien. Ah donc tu vas voir les 3 matchs du Portugal, putain, bro, beau. Non. Ah si, bah si, mais bien sûr que si, tu vas voir. Oh là là là là là là, ça va être parfait. Bon, eh ben écoute, impeccable alors, hein, Maya, on te rappelle au quart de finale alors. Hein. Non, à la finale. Bah oui, quart, demi et puis finale, on va voir. Ah il se mise bien, putain, ça a dû te coûter des couilles. Oh, enfin bon. Gros bisous Maya. C'est mon cadeau de mariage. Oui, bah ça c'est ah bah, c'est un beau cadeau. Ah hein. Là c'est un beau. Ouais. Salut Maya, gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Nous aussi. Merci encore. Ciao, bisous. À bientôt. Salut. Maya. Bye bye. Et puis je viens de tomber sur un chiffre incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Trois femmes Enfin, trois femmes. Bon, 75% des femmes n'aiment pas le cuni. Non. Si, apparemment. C'est quand même assez improbable. Attends, ouais. Maya. Oui. Attends, avant de raccrocher, parce que je suis tombé sur l'info, c'est les appels malveillants de Tof qu'on va faire dans quelques minutes. 75% des femmes n'aiment pas le cuni. C'est vrai. T'aimes pas? Non. Non, merde. Non, c'est pas que j'aime pas, en fait, c'est que moi, ça me fait rigoler. Ah bah, ah, ça oui, fait marrer. Pas, donc. Donc tu préfères que le mec aille mettre sa langue sous ton bras, par exemple? Non. Non, non, mais moi ça me fait rigoler en fait, je regarde la télé quand il fait ça, je rigole. Tu préfères qu'il te bouffe le gras de la fesse? Non. Ah, bon. ah ouais, donc toi t'aimes pas? Bah écoute, très bien, bah, mais tu vois. Non, je trouve ça sale. Ah, tu trouves ça sale? Mais tu suces bien ton mec. D'accord. Hein? Mais tu suces ton mec. Oui, mais. Mais ça c'est pas sale. Ça... Bah en fait, disons que c'est pas pareil, je trouve que en fait, nous, comme c'est pas l'air en fait, c'est renfermé, donc si on a une hygiène douteuse, enfin même si on n'a pas de hygiène douteuse. Ah, mais si après moi, tu te laves pas, on y peut rien, nous, hein, mais. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Je viens de passer pour une crasseuse devant tout le monde. Non, non, mais pas du tout. Mais y a pas de problème. Mais on va bon, essayer de prendre une douche quand même. Hein. Bah voilà, c'est ça parce qu'on sent des odeurs arriver là. Bon, Maya, on va te laisser. Hein. Gros bisous, Maya. Hein. Bisous. Salut, Maya. Bon, et les autres filles, bah, appelez-nous du coup. Hein. Donnez-nous vos avis. Hein. Comment ça se passe? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va faire les appels malveillants à caractère pornographique. Oui. Dans quelques minutes sur Fun avec Radio. Plaisir. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. On va se faire le je t'emmerde dans quelques instants également. Là, appelez-nous si vous voulez jouer avec nous. Eh ben on fait ça après le son d'Armin Van Buren. Maintenant, c'est Ping Pong sur Fun. Le son d'Armin Van Buren, c'était Ping Pong sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio. Continue à prévenir vos potes hein, qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio. Et c'est de 23h à 2h du mat que ça se passe. Continue à le faire savoir, hein, bien entendu. On va dans quelques instants faire le jeu du je t'emmerde avec Mohamed et avec Lucas. Hier, on avait deux filles, aujourd'hui, c'est deux mecs. On aura également Babert dans quelques minutes. La colle avec Alter. Et puis, eh ben, les appels malveillants, hein. Eh ouais, c'est parti, fallait que ça allons-y. Arrive. Allons-y. Eh oui, appel malveillant maintenant. Je suis donc tombé sur un chiffre incroyable. 75% des femmes n'aiment pas le cuni. C'est voilà. Honteux. C'est mais honteux. Je peux surtout pas y croire, c'est ça qui est un truc de fou. Ça vient de me ruiner. Mais oui, donc appelez-nous. Appelez-nous les filles si jamais c'est le cas. Et puis les mecs, si vous êtes déjà tombé sur des filles qui détestaient ça, eh ben dites-le-nous également. Tiens, 01 42 48 5000, vous nous appelez maintenant. Et puis on vous rappelle derrière, évidemment. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, on va appeler maintenant. Allons-y. Allez, tous ces numéros, bien entendu, qu'on appelle, c'est ceux que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant le premier ou la première. Enfin, le premier numéro, mais... C'est un garçon ou une fille, j'ai dit, on va trouver. Allô, oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aimiez les cunilingus, madame. Non, merci, monsieur. Ah, non, mais c'est une question, madame, je veux pas vous en proposer. Bah alors, pourquoi vous me posez la question, monsieur? Parce que moi, si je vous demande si vous aimez les fellations, normalement, j'aurai la politesse de vous en proposer une derrière. Au revoir, monsieur. Ah bah non, madame, enfin, c'est pas gentil ce que vous dites. Allô? Ah, on entend bien le « va te faire enculer, fils de pute ouais, » derrière. Ouais, mais par attends. Contre, j'aurais bien aimé qu'elle me propose. Ah, oui, t'as vu, hein? Bon, ah, rappelle, oui. Attends, on rappelle. On y retourne. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Mais qu'est-ce que vous racontez avec ma copine, là? Bah, en fait, je voulais savoir si les mecs vous lui fassiez des cunilingus, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Va te faire enculer, toi. Tu parles quoi? Bah, je parle français, monsieur. Mais va te faire enculer. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute, va. Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Enfin, ça se mais fait parce pas. Que vous lui parlez pas comme ça, vous appelez pas à savoir si elle aime les cunilingus ou quoi, si c'est ce délire. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Mais va te faire enculer, moi je te dis, tu poses pas cette question, t'appelles pas chez les gens pour savoir, et si c'est ma gamine qui répond, qu'est-ce que t'en sais? Mais je vois pas le rapport, monsieur. Enfin... Mais qu'est-ce que tu vois pas le rapport? Allez, va te faire enculer, va. Oh non, monsieur, ça se dit pas. Ouais, par contre, ça lui pose un problème si tu poses la question à ta gamine, mais par contre, si sa gamine est à côté, on va te faire enculer, je vais te mettre une barre dans la nuque dans le cul, moi. Ah, c'est quand même, je vais te faire un anus avec ouais. Une grosse barre de fer dans le cul. Mais on va le rappeler, on va le rappeler. Allez hop, on y retourne chez le monsieur sympathique. Très sympathique. Oui, monsieur, faut pas vous énerver comme ça sert à rien. Mais pourquoi faut pas m'énerver comme ça? Vous appelez chez les gens, c'est quoi vos questions là? Sans déconner, non mais c'est quoi vos questions? Vous appelez chez les gens, moi je vais appeler ta femme, je vais lui demander si elle aime les Tunilingus. Si vous voulez monsieur, je vois pas le rapport, enfin c'est... Mais alors pourquoi t'appelles? Vas-y alors, dis-moi pourquoi t'appelles. Pour savoir si votre femme aime le Cunilingus. Mais pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a 75% des femmes qui n'aiment pas, alors du coup je voulais savoir si votre femme elle aimait ou pas. D'accord, et qu'est-ce que ça peut te foutre? Travailles pour qui? Tu veux savoir ça pourquoi? Juste pour savoir monsieur, c'est pour moi. Pourquoi tu me rappelles? Appelle quelqu'un d'autre, va, il y en a 3 milliards de femmes. Appelle des femmes qui sont célibataires si tu veux, t'appelles pas ici. Oui mais vous êtes avec quelqu'un, donc comme ça vous savez si elle aime ou pas monsieur. Va te faire enculer, tu me poses pas cette question. Je te le dis. C'est pour ça que je vous appelle monsieur. Non, tu me la poses pas, je vais raccrocher si tu me rappelles, tu sais quoi, je te répondrai pas. Donc passe ta soirée si tu veux, si t'es payé à répondre dans le vide, mais arrête de me poser cette question. Sinon tu sais, tu viens chez moi, je te donne l'adresse, tu me poses la question, je te mets une grosse gifle dans ta gueule et tu redescends. D'accord, donc je te donne mon adresse, viens me poser la question. Mais non, moi j'ai pas le temps de venir jusque chez vous monsieur. Alors lâche-moi, pose pas cette question, lâche mon téléphone. Non, monsieur, ok, tu vas appeler quelqu'un d'autre, tu m'appelles pas moi. Vous êtes vraiment pas gentil monsieur. D'accord, non je suis pas gentil, mais toi t'es un gros con à appeler les gens pour demander ça. Non monsieur. C'est tout. Non. Voilà, c'est tout. Allez, vas-y, monsieur, fais ton boulot de merde, va appeler quelqu'un d'autre, fous-nous la paix, on n'a pas que ça à faire, on est des gens sérieux. Allez, casse-toi. Moi aussi monsieur. Allez, casse-toi. Ouais, on va le laisser. Hein. Allez, casse-toi. On va le laisser là. Maintenant. Mais il était sympa quand même. Hein. Oui, il essaie quand même de comprendre pourquoi cet abruti de teuf était venu dans sa vie. C'est vrai. Bon, on appellera d'autres tout à l'heure. Hein, d'autres appels malveillants sur Fun Radio. Si jamais vous avez des numéros, comme d'habitude, vous balancez ça sur le mail de teuf, toph@funradio.fr. Jouons maintenant au. Je t'emmerde. Boum. Eh oui. Je t'emmerde. Exactement. Et pour jouer avec nous, on a Mohamed de Mulhouse, 16 ans. Salut Momo. Oui, allô. Ça va bien? Salut. Et oui, bonjour. Salut Mohamed. De l'autre côté de Gironde, il y a Lucas. Salut Lucas. Salut. Comment tu vas? Ça va et vous? Du cul, Lucas. Parfait. Mohamed qui directement attaque. Attention à Mohamed, il faut gagner quand on commence à attaquer comme ça là. Fair play. Alors attention. D'accord. Le principe est attendez. Ouais. J'aimerais embrasser. Sandro qui m'a accepté, franchement, ça me fait très plaisir. Écoute, de toute façon, tu retourneras chez elle, que tu gagnes ou que tu perdes, donc tu vois finalement, c'est bien. Bon, Mohamed et Lucas, le principe de jeu est simple, on appelle des gens au hasard maintenant. On va, vous allez tomber sur un garçon, une fille, un vieux, un jeune, on sait pas. Il va falloir placer un maximum de je t'emmerde ou de... Non, alors c'est soit je t'emmerde, soit je t'emmerde. Ce sont les deux seuls mots qu'il faut placer. Et puis, plus vous en placez, plus vous arriverez évidemment à faire monter votre score et gagner justement le casque DJ qu'on vous offre ce soir. Attention également à avoir une conversation cohérente. Il n'est pas question de balancer d'un maximum de je t'emmerde les uns derrière les autres qui n'auront ni queue ni tête comme Toff. D'accord? Pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Qui veut commencer, Mohamed ou Lucas? Comme Mohamed. Tu veux. Non, Lucas. On va commencer par Lucas puisqu'il a fait le malin, Lucas. Là. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô, Lucas. Ok. Vas-y. Allez, Lucas de Biganos en Gironde. Oh, j'ai fait ça avec l'accent de Marseille. Je sais pas. Oui, bonjour, madame. Allô? Il dit madame, mais on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Allô? Ah, Bilal. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, j'ai reçu une lettre avec écrit je t'emmerde. Je sais pas pourquoi vous me dites je t'emmerde. Parce que moi je dis pas, je vous le dis pas, je t'emmerde. Donc si vous continuez à dire je t'emmerde, raccrochez Lucas. Ah t'as pas été bon là. T'as pas été bon du tout, Lucas. Là. Combien de je t'emmerde du coup là? 7 et on a encore été large. Hein. Bon. Je sais pas parce qu'elle a pas répondu donc. Si elle a dit mais après t'as traîné au début, t'étais hésitant, etc. Bon c'est pas grave. De toute façon il y a une deuxième manche après la pub pour te rattraper. C'était le petit coup d'essai on va dire. Lucas 7 voilà. Je t'emmerde. Mohamed. Je fais mieux que lui, c'est une bite Lucas. Ah et écoute t'emballe pas Mohamed parce que si jamais t'en fais qu'un seul on va bien rigoler. Hein. Bon on y va. Allez vas-y Mohamed, à ton tour. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi tu dis allô et c'est parti. Pas de soucis. Vas-y. Pas de soucis. Fais le malin Mohamed. Ouais. Mais qui fait le malin? Eh oui. Oui allô, bonjour. Oui bonjour. Je suis votre voisin, il y a des gens qui ont écrit des tags où il y a écrit je t'emmerde. Allô? Oui, quel voisin vous êtes? Bah oui, en fait, je suis votre voisin et il y a des gens qui ont crié comme ça, qui partout. Mon voisin. Oui, ils ont crié des conneries du genre je t'emmerde. Bah vous aussi, alors. Quoi? Mais quel voisin, où vous êtes? Bah oui, bah attendez, vous habitez où? Bah j'en sais rien, je suis dans la merde, donc je sais pas. Bah après, ils ont écrit je t'emmerde. Il y a même dans votre voiture, et avec votre voiture, il... Ah, puis il a raccroché. Alors attention, bon, on va déjà en sucrer 4 des je t'emmerde. Ah. Parce quoi? Que, Mohamed, qu'est-ce que j'avais dit? Conversation cohérente et il ne faut pas faire des je t'emmerde 150 000 l'un derrière l'autre. Je veux bien en tolérer 4 quand vous faites le coup de la lettre ou le coup du tag, etc. Mais là, t'as un peu tiré un peu sur la corde quand même. Bah, je peux recommencer le même truc, non? Parce que le scénario doit être différent après. Mais combien de je t'emmerde t'as? Donc 14 moins 4, 10. Eh ben 10. Bon, de toute façon, c'est toujours mieux que Lucas. Hein. On peut en enlever un pour le plaisir. Bon, non. Alors, Mohamed et Lucas, merci, pour l'instant, 10 pour lui, Mohamed, 7, c'est, oh, non. 6 pour Lucas, c'est ça? Non, c'est 7. 7, bah 7 oui, pour c'est Lucas. 6. C'est pas mal. Bon, on refait. J'en ai pas beaucoup. Bah oui, je sais, excuse-moi Lucas. On refait la deuxième manche dans quelques minutes après la pub. Attention, réfléchissez à un autre scénario, car vous ne pouvez pas réutiliser le même scénario, ni même le scénario de votre voisin. Il n'est pas question d'échanger, d'accord? Je l'ai déjà dans la tête. Tant mieux. Restez là tous les deux. On va en profiter également pour refaire un coup de colle là, avec notre ami Alter. T'es là, Alter? Ouais, je suis là. Très bien. Mais c'est pas comme ça que je m'appelle en fait. Tu t'appelles comment? Mais je m'appelle Alter. Avec un P. Alter? Bah oui. Ah oui, mais il y a marqué Alter dans le standard, comme une Alter. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Bon, alors, mais Alper, si... d'accord. Mais comment va la mère, alors? Ta gueule. Bon, Alper, alors, on y va. C'est parti, fais péter la colle, Alper. Arrache dans une et gratte-moi la tête. Ce qui est rouge devient noir et se jette. Voilà, il y a Nathan qui proposait des poux. Non, c'est pas des poux. Non, des crevettes, c'est clair. Non, ouais, non. Vous y êtes presque, mais c'est pas ça. Un tic sur les chats ou les chiens, par exemple, c'est Romain. Non mais non. Si je donne toutes les mauvaises réponses, ça reste. Ah bah si, mais c'est le concept, Alper. Bon, reste avec nous, en tout cas c'est pas ça. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et on joue dans quelques minutes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et vous pouvez donner votre réponse sur Facebook également. Vous tapez Mickaël officiel. À tout de suite sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Bon, et on avait demandé tout à l'heure le son de Rihanna avec Man Down. Et ben on le mettra avec plaisir. Il y a un message qui dit Toff, heureusement que Mickaël rattrape ta connerie. Oui, ah bah je confirme. Elodie qui dit moi les cunis, ni chaud ni froid, à part quand il me doite. Oui, oui, c'est pas gratuit sinon. Hein. Bon, on avait demandé en fait si vous aimiez les cunis des filles parce qu'on est tombé sur une enquête qui disait donc, c'est dans les appels malveillants de Toff d'ailleurs, que 75% des femmes n'aimaient pas le cunis. Et donc je voulais avoir confirmation, mesdemoiselles ou mesdames. Donc appelez-nous pour qu'on en parle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Jordan aussi, c'est pas faux. Toutes mes ex n'aimaient pas le cunilingus, trop chiant, c'est tellement bon une moule. Bise à toute l'équipe. Baptiste aussi, c'est injuste. Moi c'est ce que je préfère, les cunis. Donc Nadia aussi, bande de foufous. Et vous avez raison. On a raison sur quoi? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Les cunis. Ouais. Ah, sur les cunis, d'accord, ok. Jojo qui dit, ah, 75% des femmes n'aiment pas le cunis. Moi je dis pas non à un cunis, mais faut que ce soit bien fait. Non, ça, mais, bien évidemment. Tu sais pourquoi ces mecs comme Toff et tout ça, ils adorent, ils préfèrent le cuni? Parce qu'en fait, comme ils bandent mou, ils peuvent pas baiser longtemps. Ouais, donc ils se disent, l'alternative, c'est de bouffer de la chatte. Non, oui, c'est vrai, ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. La théorie bidon de Polo qui n'aime pas ça. Mais c'est non, vrai. C'est pas une théorie bidon, c'est la vérité. Et il y a Fabs aussi. Rassure-toi comme ça, Polo. Mickaël et toute l'équipe, depuis que j'ai découvert l'émission, je me couche en permanence à 2h du matin. Je dois vous engueuler ou vous remercier? Oh, écoute, non, on te remercie en tout cas, Fabs. Après, tu fais comme tu veux. Et Valou, bonsoir. Waouh, une semaine sans vous écouter, vous avez trop manqué. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Ah bah oui, Valou, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu, tiens, sur Twitter. Et Secret Key, toujours sur Twitter. Non, mais arrêtez les mecs, vous êtes aussi compliqués que nous. Oui, ça c'était par rapport à tout à l'heure quand on parlait du tout. Des mecs et des meufs qui trompaient, machin, comme quoi c'était compliqué, etc. Bon, on continue à parler évidemment des cunis dans quelques minutes. Restez bien avec nous, on va se faire les teubés de la télé. Et avant toute chose, nous allons terminer avec le jeu du... Je t'emmerde. Voilà, pour jouer avec nous, il y a Mohamed, donc qui a déjà fait la première manche, hein, juste avant la pub. Il a fait 10 je t'emmerde placé dans la phrase. Et de l'autre côté, Lucas en a fait que 7. Allô. On remet le couvert, Mohamed, cette fois c'est toi qui commence. On y va, on appelle au hasard. Je rappelle donc qu'il est interdit de récupérer le même scénario, ni le vôtre, ni celui de votre concurrent. Il faut donc inventer une nouvelle idée. D'accord ? Ok, pas de soucis. Allez, allez, on y va, Mohamed. Mohamed qui, depuis le début, fait le malin, même si pour l'instant, c'est lui qui gagne. C'est non, je vous aime, je vous aime. Allez, vas-y, Mohamed. Mets-nous aussi en thème, Bobo. Allez, vas-y. Oui. Oui, allô, vous en avez pas marre de crier depuis tout à l'heure, là? Il y a des racailles qui crient depuis tout à l'heure et qui disent « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Ah, c'est pas quoi, vous, ça chez Monsieur Girodanou, là. Oui, c'est ça. Eh ben, je crie pas, moi, je fais rien. Si, mais depuis tout à l'heure, il y a des gens qui crient. Ah, c'est pas moi. Il y a des racailles qui crient « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Ah, c'est pas moi, monsieur. Bah si, attendez, attendez, monsieur. Mais non, c'est pas moi, je vous dis. Alors, si, il y a des gens qui crient depuis tout à l'heure, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Attendez, attendez, monsieur. Monsieur, je vous promets, c'est vous, là, depuis tout à l'heure. Je vois des gens, là, depuis tout à l'heure, là, ils crient, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. C'est pas moi. Attendez, attendez, c'est quoi? Allez, au revoir. Non, je t'emmerde, il y a des gens qui crient, je t'emmerde, depuis tout à l'heure. Stop! Stop, stop, stop, on comptabilise. Je peux pas compter les derniers. Non, non, on comptabilise pas les derniers. Alors, ce qui nous fait combien? Ce qui nous fait 12. 12, Mohamed, t'as augmenté ton score, c'est bien. Ouais, putain, je te remercie un ami, hein. Attends. Je remercie mon ami Lucas. Attends, attends. C'est lui qui m'a donné la... Eh, fanfaronne pas trop, Momo. Oui, fanfaronne pas, Mohamed, il y a Lucas qui va tenter son coup, là. 12, c'est largement faisable, Lucas, hein. Ouais, mais comme j'ai pas de chance. Mais arrête de dire ça. On va voir, il faut pas partir négatif. Par gagnant. Allez, on y va, c'est parti. On en appelle un. Lucas, à toi de jouer. Tu fais mieux que 12 et tu gagnes. Allez. Allez, vas-y, lui. Allô. Bonjour, madame. J'ai reçu des panneaux sur ma maison avec écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Sur ma voiture, il y avait écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Oh oui, oh oui, oh oui. Allez, bravo, Mohamed. Oh oui. Yes. Bim. Ce qui nous en fait 12. Eh ben bravo, hein, Mohamed. Pas mal, pas mal. Ah, il faut fanfaronner depuis le début, mais finalement, ça a porté ses fruits. Bravo, Mohamed. Bon, Lucas, malheureusement, c'est un échec cuisant. Je l'ai dit, j'ai pas de chance. Ouais, bah oui, écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de bol. Lucas, je vais te donner un conseil, c'est pas des conseils, mais t'es parti perdant et en fait t'arrives direct et dis ouais, je t'emmerde, t'emmerde. Non, mais on sait le truc, la confiance. Prochaine fois. On parle des petits bonjour, nous. Voilà, faut te présenter et que le mec puisse tendre l'oreille. Mais oui, mais là malheureusement, qu'est-ce que tu veux, faut draguer la personne un petit peu là. Faut draguer. Et lui qui se la ramène, Mohamed, hein, t'as vu, on dirait le professionnel, c'est qui joue depuis toutes les semaines, là, etc. Il faut gérer. On va pas lui donner le cadeau pour lui donner une leçon. Bon, Lucas, bravo à toi en tout cas. Enfin, bravo à toi. Tu rejoues avec nous quand tu veux. Et Mohamed, bravo à toi, tu repars avec le casque DJ comme promis. Ok, attendez, attendez. Dis-moi. Attendez, d'abord je peux faire des dédicaces. Et une dédicace à une personne, vas-y, choisis la bonne. Une personne, attendez, je remercie. Attention, si tu nous en fumes, on reprend le cadeau. Ouais. Ah non, s'il vous plaît. Alors, une seule personne, c'est la même règle pour tout le monde. J'ai appelé plusieurs personnes pour qu'ils m'écoutent. Bah c'est tant mieux, mais tu n'en choisiras qu'une seule quand même. Comment ça, une seule? Une seule, sinon on reprend le cadeau si t'en fais plus. Et comme ça tous les autres sauront que t'es un connard. Exactement. Bah, je remercie mon ami Lucas qui m'a donné la technique en fait. Bah, voilà, qui m'a donné. Voilà, bah c'est tout. Très bien. Bon, mais non, s'il vous plaît là. Bah, non. Bon, alors, exceptionnellement. Attendez, alors, je veux mettre une musique. Tu veux quoi? Une musique, j'aimerais. J'aimerais quoi mettre une musique? Attendez, je réfléchis. Trop tard, faut la réfléchir. Trop tard. Allez, Mohamed, salut à toi. Il fallait réfléchir avant. Ouais, vas-y, Lucas, toi tu peux en faire deux, toi. Trois, vas-y, quatre. Je t'en mets quatre. Mais je passe une juste pour énerver vous, Mohamed. Attends. Ça t'énerve, Mohamed? Oui. Allez, je suis un enculé. Il fait chaud de Patrick Sébastien, s'il vous plaît. Attends, mais oui, bah t'as raison. Bah je vais en mettre deux. Je vais la mettre deux fois en double, la Patrick Sébastien, tiens, doublette. Bon, attends, vas-y, Lucas, là. Une dédicace à vous, déjà. Oh, c'est gentil. Et une dédicace à Jérôme, voilà. D'accord, ok. Bah, je pourrais avoir un pack fan. Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse tout de suite. Ok, merci. Salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao, Lucas. Salut, Mohamed. Salut, Mohamed, à bientôt. Hein. Bon, on va prendre Céline qui est avec nous de Caen, là. Salut, Céline. Oui, salut, Mickaël. Bon, alors, on est dans ce débat, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de débat pourri qu'on a eu, là? C'était enquête. 75% des meufs n'aiment pas le cuni, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben oui, c'est ça, oui. Mais c'est un truc de dingue. Bah oui, mais enfin c'est compliqué en fait, hein. Comment ça c'est compliqué? Bah parce qu'en fait moi je suis lesbienne. Ah. Et j'aime pas le cuni. Ah bah oui, t'es bien imité alors. Ouais, tu vas te faire chier, hein. Ouais, donc bah moi le problème en fait c'est que j'aime pas qu'on m'en fasse, mais je kiffe en faire. Ah, bon, ah écoute, oui. Bah tant mieux pour ta meuf. Parce que t'es l'homme bah, en fait. Oui, voilà, elle est contente hein, après. Ah ouais, t'es encore plus barré que les autres quoi. Ouais, mais voilà. Oui, mais, voilà. Bah, non, mais tant mieux pour ta meuf, c'est bien. Oui, bah oui, c'est sûr, elle est contente. Hein. Bah oui, bah tu m'étonnes qu'elle soit contente, c'est clair. Mais pourquoi t'aimes pas toi? Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? Bah, je sais pas en fait. J'aime pas quand quelque chose comme ça. Ah, c'est, enfin, je sais pas, c'est, enfin, plein de bave entre mes jambes, non, je peux pas. Ah. Non, mais attends, mais tu t'es obligé de faire ça. Attends, je t'explique. Je vais être un peu cru, mais t'es pas obligé de te faire cracher dessus. Bah, bon, généralement, on se fait cracher dedans quand on a une meuf, mais enfin bon. Mais là, je veux dire, ça peut être fait proprement, c'est pas obligé qu'il y en ait partout, tu vois. Ouais, mais bon, nous les filles, je trouve qu'on bave un peu plus en fait que les hommes. Ça, je sais pas. Après... Non, mais elle parle pas de sa bouche, elle parle de sa chatte qui bave. Oui, d'accord, sûr. Pardon. Bien baveuse. Bah oui, voilà. Donc toi, t'aimes pas alors. D'accord, ok. Donc t'aimes bien en faire, mais t'aimes pas en recevoir. Voilà. Bon, d'accord. Ouais, attends, il y a Francis également qui est avec nous de Nantes là. Salut Francis. Ouais, salut, ça va nickel. Moi non plus, j'aime pas qu'on me fasse des cuillis. Bon, Francis, toi, alors t'aimes bien en faire et surtout, est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui n'aimait pas en recevoir? En général, quand je les fais, j'adore. Ah, attends, en général, quand tu les fais, tu adores? Oui, non, quand je leur fais ça, elles aiment bien, quoi. Oui, donc, non, ça, oui. En même temps, c'est pas très compliqué hein, de faire un culi. Non, y a tout un art, il y a une technique, il faut, tu vois, faut du doigté. Il y a des petites choses qu'il faut faire, qui sont subtiles, voilà, tu sais, avec la langue, des petites choses de. Il y a des manières de passer sur le clitoris, tu sais, pour que la fille sente qu'il y a une nouveauté, c'est pas toujours la même chose, quoi, tu vois. Et à la fin, c'est ça que les filles attendent. Hein. Oui, bien sûr, après il faut savoir le faire correctement et proprement. Enfin, proprement. Il faut savoir varier des plaisirs. C'est comme une pipe, exactement. Il faut pas toujours la faire pareil, parce que sinon après c'est un peu chiant. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et moi j'adore ça, moi j'aime bien. Voilà. Les pipes. Oui, bah, j'imagine. Moi par exemple, j'aime pas quand on me suce à l'envers. Oui, mais moi j'aime pas que toutes les filles sucent pas de la même manière. Il y a des filles quand elles sucent, ça me dit rien quoi. J'aime pas ça quoi, tu vois. Ah bah, bien sûr, mais attends, mais ça c'est comme tout le monde n'est pas fait pareil. Il y en a qui font d'une manière, qui font d'autres manières. Ouais. C'est pareil pour les mecs avec les cunis, enfin il y a plein de manières différentes. Ouais. Moi c'est juste à l'envers que j'aime pas c'est emmerdant. Enfin après c'est une question de délire hein. c'est une question d'habitude peut-être, j'en sais rien. Donc attends, on va prendre l'avis également de Nathan qui est avec nous de Toulon là. Salut Nathan. Salut Mika, bonsoir à toute l'équipe. Comment tu vas? Eh ben écoute, très bien, très bien. Bon bah tant mieux. Bah nous aussi on est au cœur de 2 heures sans pub là, donc bon on est plutôt pas mal. Hein, on est au soleil, on est au chaud, que demander de mieux? Là, à mon avis, sauf si t'es quelque part du côté de l'Amérique, à mon avis t'es pas au soleil. Hein. Bah oui. Ah nous on a eu un très beau soleil aujourd'hui. Hein. Ah oui aujourd'hui, mais là non. Ah ben là il fait nuit là. Ah il me semblait bien. Mais rassure-moi. Il y a la lune aussi à Toulon, ou vous connaissez oui, pas la lune? C'était oui, on l'a pas très bien, il n'y a aucun nuage nous à Toulon. Ah d'accord, ok, très bien. Bah tout à l'heure, par contre aujourd'hui il a fait un temps magnifique à Paris, hein, digne de l'automne. Ah on s'est mis bien aujourd'hui. Oh là là, c'est parce que j'ai apprêté le soleil, c'est pour ça. Bah écoute, on va surtout l'emprunter parce que ce week-end apparemment il va faire bon, donc un petit peu partout sur toute la France, en Belgique aussi, sauf en Bretagne. Apparemment, il va faire dégueulasse. Bon, enfin, c'est les Bretons, ils ont l'habitude. Ouais, ils aiment ça de toute façon. Arrête, off de dire des conneries comme ça. Après, ils vont encore mal le vivre. Putain, il est con. C'est vrai que c'est dur de vivre en Bretagne. Mais oui, non, mais c'est surtout le temps, quoi. Enfin, il pleut, quoi. Ouais, bon, bref. C'est dur, la Bretagne. Changeons de sujet qui peut fâcher. Alors, Nathan, toi, t'es déjà tombé sur une meuf qui aimait bien ou qui n'aimait pas ou est-ce que tu n'aimes pas? J'ai la réponse, moi en fait, ça fait par chance j'ai eu beaucoup de conquêtes. C'est vrai qu'aujourd'hui je me posais beaucoup de fois la question pourquoi souvent on disait non. Et en fait c'est qu'elles se sentent très vite sales au niveau d'en bas, donc si elles n'ont pas pris de douche avant, elles se sentent très bien vite sûr. Sales. Non mais c'est pareil, et chez après, les mecs. Voilà, il y a ça déjà. Après les cunis sont souvent très souvent mal faits, donc elles ressentent aucune sensation. Mais par contre, voilà, comme elle disait Céline, ça bave assez beaucoup. Et donc elles pensent à ça, à la bave et non pas à la sensation que ça fait. Et malheureusement, elles se focalisent dessus. Donc bien souvent, les prochains cunis. Elle les refuse. Ah mais moi ça m'a comment dire, ça a failli me bloquer à vie hein, la toute première fois où j'en ai fait un. Ah ouais, à ce point-là. Ah ça a pué sa mère. Ah oui d'accord, mais oui c'est ça, mais si la meuf a pas d'hygiène aussi. La première, je suis tombé sur une femme fontaine, donc j'ai été traumatisé. Oh là, c'est bon. Ah là, ouais, c'est mon rêve ça. Quelle horreur. Non, mais moi ça sentait pas bon quoi, putain. Là pour le coup j'ai vraiment compris le pourquoi on appelait ça une moule quoi. Non, vraiment, ça sentait le vieux poisson. Ah, c'était une horreur. Mais c'était même pas après une boîte de nuit, hein. Je crois que c'était, je sais pas, c'était après une journée, tu vois. Donc effectivement, elle sortait pas de la douche, mais c'était, enfin, ça sentait pas bon, quoi. Ah, mais, oui. Ah non, voilà, c'est ça. Il y a Secret Kick sur le Twitter qui dit, voilà, Mickaël, on sait tous maintenant qu'il faut sucer Mickaël à l'endroit. Oui, je le préfère, techniquement, voilà. Il y a Devers45 qui dit, je confirme, car même ma meuf n'aime pas trop ça. Marine qui dit, sortir de l'hôpital et écouter Mickaël, ça redonne le sourire. Ah bah oui, Marine, qu'est-ce que t'as eu, Marine, là? Dis-nous tout, là. Émilie aussi, coucou, Mickaël. Je dois faire une petite dédicace à mon sushi d'amour qui travaille toute la nuit en vous écoutant, oh, s'il te plaît, merci beaucoup. Et ben, on l'embrasse et puis bon courage à lui surtout. Bon, et ben, bon, merci. Après, je suis tombé sur les 25% aussi, hein. Vous vous réveillez, vous avez une fleur devant vous. Hein. Ah oui, mais ça après, évidemment, c'est différent. Après, heureusement. Mais j'y crois pas, moi, 75%. Évidemment qu'il y a des meufs qui n'aiment pas. Moi, je suis d'accord. Moi, mais je suis d'accord, franchement, je crois pas que les 75%. Je crois pas que 3 filles sur 4 n'aiment pas ça, quoi. Non, ça fait beaucoup. Ah, ça, moi, me paraît tellement énorme. C'est toutes les filles que j'ai eues, 3 filles sur 4, c'était mort. Hein. Bah voilà, c'est ça. Moi, je suis jamais tombé sur une meuf qui n'aimait pas ça, par exemple. Tof. Ah, moi, alors, dans le sud, elles n'aiment pas ça, alors. Alors, ah, peut-être. Moi, je suis tombé sur une meuf qui n'aimait pas ça, et quand on s'est rencontrés, et après, elle me disait, ouais, c'est chouette, mais de toute façon, je préfère que tu me mettes des doigts. Donc, D'accord. T'as vu comment il a placé le j'aimais pas ça, et après, ouais, finalement, ça va. Genre, il était tellement bon que finalement, elle aime bien. Non, t'as vu comment il a placé le truc là. C'est un malin. Ah, il se la ramène. Très malin, le mec. Il se la ramène, il se la ramène. Il a l'air comme ça dans son corps, sans muscle, d'être un idiot, mais il est très malin. Ouais, je vous remercie de le reconnaître. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, et ben Nathan, Céline et Francis, merci d'avoir appelé en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Pas de rien. Juste, est-ce qu'on peut parler? Elle est où la lesbienne là? Elle est là, c'est Céline. Moi, je suis là. Dis-moi un truc, t'es d'accord avec moi qu'il y a une conspiration des lesbiennes? Qu'est-ce que tu racontes encore comme conneries, toi? Non, mais non, je raconte pas de conneries, moi. Non, c'est pas toi, c'est Polo. Comment? Il n'y a pas une conspiration mondiale des lesbiennes qui vise à nous faire... hein? Bah, je sais pas. Non, c'était par rapport à une histoire d'hier. Je sais même plus quelle histoire d'ailleurs. Il n'y a que lui qui doit s'en souvenir, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Bon ben, Nathan, Céline. Non, demande pour nous. Salut Nathan, salut Céline, salut Francis. Merci à vous d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez. Ciao. Il y aura Alper dans quelques minutes avec la colle. On aura Babeur également, ou Babère, comment on dit? Babeur ou Babère? Ça dépend de quel côté tu tournes. Ta gueule, qu'est-ce qu'il y a, relou. On dit Babère, c'est ça? Babère. Babère, d'accord, ok. Non, c'est Badère, c'est Badère. Ah, Badère, mais t'as un problème, Sandro, avec les B et les T là, et les P? Mais on n'entend rien quand il parle. Ouais, on n'entend rien. Téléphone, là. C'est le téléphone, il est pas. Il est ouais, c'est ça. Alper qu'on a, en fait, elle avait écrit Alter. Et là, maintenant, c'est Babère qui est écrit, sauf et que ça Babère. Dit Babère. Badère. Badère. Badère, oh, putain. Badère. Moi, je peux... De quoi on va parler avec toi, Badère, dans quelques minutes? Moi, c'est parce que je suis un homme soumis. Ah, et bah écoute, bouge pas de là, ouais, on va en parler. Bah, c'est comme Tof, tiens, il est aussi soumis, lui. Ouais, grave. C'est vrai. On en parle dans quelques minutes. Et là, on l'avait demandé tout à l'heure. Je suis très content parce que j'aime beaucoup le morceau. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. C'est comme ça dans la chanson. C'est Rihanna qu'on écoute maintenant. On est au cœur de 2h sans pub sur Fun Radio. Venez délirer avec nous. On est là jusqu'à 2h. Donc, vous nous appelez 01 42 48 5000 où que vous soyez en France. 02 851 4x0 où que vous soyez en Belgique. Et puis, on va délirer encore pendant 2 bonnes heures là. C'est Rihanna qu'on écoute maintenant. C'est Man Down sur Fun. Ça se passe. Life, I know it was alright. I didn't send you vision. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Il est bien, je l'aime bien. Il y a Secret qui dit qu'est-ce que Rihanna prend dans un bar? Rom pom pom pom. Je crois que mon cerveau défaillit. Oui, je pense que Secret Key, tu vas mal. C'est drôle, moi j'aime bien. Tu vas suivre les personnes qui sont habillées en blanc, elles te veulent du bien. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, 23h, 2h tous les soirs. On en avait parlé avant-hier, là. C'est vrai qu'on a oublié de mettre la photo hier, mais on la va mettre maintenant, de l'état des bureaux. Ah. Enfin, du bureau en l'occurrence, parce qu'on a un bureau où il y a 4 bureaux à l'intérieur. Et on vous avait demandé si vous alliez retrouver lequel appartient à qui. Ok, c'est on ça. A fait une photo de celui de Toff, on a fait une photo de celui de Polo, une photo de celui de Sandro, et une photo du mien. Et donc on a mis des numéros, et donc je vais vous la mettre dans quelques minutes sur le Facebook, le Twitter et sur l'Instagram de l'émission. Et puis bah, vous allez pouvoir jouer et deviner, à votre avis, quel bureau appartient à qui. qui? Voilà, donc Mickaël officiel pour donner vos avis. Ce sera d'ici quelques minutes sur Fun Radio. On aura dans un gros quart d'heure également d'autres appels malveillants avec Tof bien entendu. Et puis on va évidemment parler des teubés de la télé comme on fait chaque fois d'ailleurs. Bon, on aime bien les teubés de la télé parce qu'en plus ce soir il y a eu du lourd. On commence avec une grande phrase de l'équipe de France, mais pas de Ribéry pour une fois. Que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Oui, les épaules sur la tête. Voilà, je sais pas comment il est formé, mais c'est le problème, c'est que s'ils ont les jambes au niveau du haut, je pense qu'on est, ils sont pas prêts de gagner. Hein. Bah, ça va pas être terrible, terrible. Hein. En Inde, ça doit exister. Il y a sûrement un mec avec les épaules sur la tête. Peut-être. Et puis on a des extraits aussi dans des anges, hein. Dans les anges évidemment. Ça. Si ça te saoulerait autant là maintenant, il y aurait pas là maintenant. J'arrête directement parce qu'il y a également un petit cours de français. Si ça te saoulerait, hein, bien sûr, évidemment. Si ça te saoulerait autant là maintenant, il y aurait pas là maintenant. Si, parce que ça fout la partout, il y en a pas. Le pot est plein. Ça fout la partout, il y en a pas. Arrêtez. C'est comme ça depuis le premier soir. Arrêtez. Arrête aussi, Nelly, stop. Non mais c'est bon, je dois dire quoi. Putain, laisse ça tout. Non, ça casse tout le monde. Oui, je sais. Vous avez fait pleurer Dania. Dis maintenant, Dania pleure. Mais je rigole pas. Dania fait une vraie crise d'angoisse. Elle était en pleurs. C'est bon quoi. Stop. Non, elle est tout le temps en train de jurer quoi. Elle est sympathique, hein. C'est dingue, c'est quoi, j'adore cette émission. Très bonne ambiance dans les anges. Et puis maintenant, révision pour le bac, c'est parti. Pour Einstein, E égale à quoi? Pardon? Pour E égale M6. Oh, c'est bon. Pour Einstein, E égale M6. Ça, c'est bon. Enfin bon, et puis tant qu'on est dans les révisions, là, parlons de la lune ou des lunes. Oui, parce que parfois il y en a plusieurs. Quand on regarde vraiment, non mais par contre là c'est sérieux. Quand on regarde vraiment dans les recherches Google, eh ben en fait il y en a plein de lunes. Non mais vraiment, quand on regarde les explications, il y a plein de lunes. Seulement, voilà, la lune principale c'est elle. Mais il y en a plusieurs, je vous jure que c'est vrai. On sent sa solitude ou pas? Ouais, on ouais. La sent sa solitude, bon pas tant mieux, alors nous voilà rassurés. Moi j'ai tapé lune dans Google et il y en a qu'une. Ah bah ça dépend si parce qu'il y a plusieurs lunes, c'est vrai, elle a pas tort. Mais la lune de la Terre, c'est la lune. Ah oui, il y a qu'une lune, ouais. Voilà, il y a qu'une lune. Il y a qu'une lune, effectivement. Ah oui, non, c'est la raison, il y a 10 lunes, mais ça n'a rien à voir, c'est une société d'innovation technologique. Ah oui, voilà, c'est ça, il me semblait bien. Bon, il y a Claire qui dit, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue pour ma pote Amandine et pour tous les prépas BCPST qui sont en train de réviser pour les oraux? Eh ben, ça va être beau, tiens. Fais enculer, monsieur, va te faire enculer. Eh ben, voilà. Vous devrez essayer en arrivant à l'oral. Oui, bah tu le voyais. Je suis sûr que ça peut faire des bonnes notes. Ah oui, ça peut faire bel effet, ouais. Valentin qui dit Tof devrait disparaître de la surface de la Terre. Bon, il serait capable d'aller sur la Lune, ce con. Mais il est mort, hein. Oui, c'est vrai qu'il est mort en 1800 combien, j'ai oublié. 35. 1835, c'est vrai. Ouais, c'est avec l'arrivée du train. Voilà, c'est ça. Et Nicolas qui dit bonsoir l'équipe, petit message de bienvenue également, s'il vous plaît. De connard, de mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, et Véro également qui dit remontez-moi le moral, s'il vous plaît. Faites-moi rire parce que j'ai un gros coup de blues. Bah, qu'est-ce que tu vas pas, Véro, là? Appelle-nous, on va en parler si tu veux. Y a pas de problème, tu connais le numéro, pareil pour les autres. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 si jamais t'appelles de Belgique. Et Tino qui dit première fois que je vous écoute en semaine, petit message de bienvenue. Écoute avec plaisir, Tino là, mais qu'est-ce que tu faisais pour pas nous écouter en semaine du coup là? Je vais t'en mettre un beau là. Ça te plaît, cochon petit là. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Qu'est-ce qu'il était bon celui-là, ouais. Le beau-père là. Oh là là. Benji qui dit très très bon son le Rihanna de tout à l'heure là. Damien aussi, Rihanna, Man Down, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Bah moi aussi du coup. Virginie aussi, Rihanna je l'adore, merci beaucoup. Et puis le tilteur qui dit Baber c'est Babar chez les ch'tis. Ah écoute, il sera ravi de l'apprendre. Baber. Bon, avant de récupérer Bader, justement, il y a Alper qui est là pour la colle. T'es là, Alper? Toujours. Bon, allez, on se refait la colle une dernière fois là pour repartir avec l'iPod Nano. On l'a toujours à offrir. Hein. Dans un quart d'heure, on appelle le gagnant ou la gagnante. Si il ou elle passe à l'antenne et donne la bonne réponse, il ou elle gagne. Dans tous les autres cas, c'est toi qui gagne. Vas-y, Alper, fais péter la colle à nouveau. Ça marche. Arrache en une et gratte-moi la tête. Ce qui est rouge devient noir et se jette. Qui suis-je? Alors, arrache-en une et gratte-moi la tête, ce qui est rouge devient noir, et se jette qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique. On proposait les croûtes sur les SMS justement. C'est que l'amour. C'est ça ou pas? Non, toujours non. Pas. Une puce? Non, non plus. Bon, Mickaël qui disait, la réponse c'est un trou du cul. C'est pas la bonne réponse? Non, non plus. Ah merde. Toujours pas, toujours pas. Vous bon, êtes loin, hein, vous êtes loin. Ouais, bah oui, là pour le coup, effectivement. Ouais. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, allez-y, maniez-vous. Vous pouvez vous inscrire également sur le Facebook de l'émission. Vous tapez MIKL officiel, tout simplement, sur le Facebook. Et puis, bah, vous allez voir la magnifique photo des iPod Nano que je vous offre ce soir. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, l'iPod Nano sera pour vous dans un peu plus d'un quart d'heure. Enfin, dans un petit peu moins d'un quart d'heure, plutôt. À tout à l'heure, Alper. Ça roule. Allez, bonne chance à toi, bonne chance aux autres également là. Avant de faire les appels malveillants de Tov dans un quart d'heure, nous allons reprendre Bader qui nous disait qu'il était soumis, c'est ça Bader? Oui, exact. Bon, okay. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça t'es soumis? Bah ça j'ai découvert que je suis sorti avec ma copine. Ouais. Elle m'a proposé une fois au début, j'avais pas voulu. Et petit à petit, bah. Attends, mais elle t'a proposé quoi? Tu dis que j'ai pas voulu au début De lécher ses pieds. Oh, quelle horreur. Oh. Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais de la vie, c'est ça. Je déteste les pieds, mais alors les lécher. Et petit à petit, j'ai pris goût et. Mais c'est-à-dire, t'as pris goût à nettoyer les petits trucs entre les pieds, là? Oui, et après, y a pas d'autre chose. Non mais c'est pas possible. Ah oh, mais c'est dégueulasse. À choisir. Attends, imaginons que c'est la fin du monde et la seule manière de sauver la planète, c'est il faut choisir, il faut faire un des deux obligatoirement. Ouais. Attention, c'est la question du soir. C'est impératif pour sauver la planète. Il y a une des deux choses à faire. Je vais poser la question en premier à Polo parce que. Ah oh, putain. Et il faut soit lécher les pieds sales. Soit faire un anulagus. Mais attends, mais comment ça peut sauver le monde, ça? J'en sais rien, on s'en branle. Attends, il y a bien un film, c'est avec du shampoing là qu'on sauve le monde. Ah oui, Eden Shoulders. Eden, ouais, mais c'est quoi le film encore? Merde, j'ai oublié. C'est avec David Duchovny. Ouais, attends. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Alors, Eden Shoulder. Apparemment, avec le Eden Shoulder, on tue les martiens. Enfin, bref. Bon, alors, imaginons que, voilà, une de ces deux choses te permet de sauver la planète, sauver ta peau aussi mais d'ailleurs. Mais attends, le trou du cul est propre, il est lavé? Il est. Tu sais pas, c'est un anulagus. Et les pieds? Tu es propre? Ah non, sale. Oh bah, putain! Attends. Bah, alors, il faut choisir, c'est impératif. Sinon, tu vas crever dans d'atroces souffrances. Bah, je préfère crever. Non, t'as pas le choix. Bon, pas le choix. Le trou du cul, s'il est propre. Le trou du cul? Bah, si les pieds sont sales, je prends le trou du cul. Non, mais tu sais pas s'il est propre, c'est un qui tout double, tu sais pas. Bah, les pieds. Toi, tu prends les pieds, Bader? Oui. D'accord, Tof? Le cul, et si je peux mettre des boîtes dedans avec plaisir. Le cul, d'accord, ok, très bien. Moi, je sais pas. Et toi? Et toi? Vas-y, Mike. Franchement, je préfère l'anulagus que les pieds. Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Dieu sait que j'aime ni l'un ni l'autre, hein, mais. De quoi, Bader? Il y a plein d'autres choses. Je laisse le cul, je fais tout ce qu'elle veut aussi. Attends, on t'entend mal. T'as le kit ma libre, le haut-parleur, là? Non, j'ai. Attends, est-ce que dans ton domaine de soumission, ta meuf t'a obligé à mettre ton téléphone dans ton cul, en fait? Et c'est pour ça que tu parles comme ça? Non, il parle par résonance. Peut-être, ouais, c'est ça. Donc, du coup, dites-nous, tiens, qu'est-ce que vous préféreriez, justement, hein? L'anulingus ou le léchage de pied? Si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'en faire un des deux, là, sachant que normalement, on n'aime aucun des deux, en théorie en tout cas. Bah, donc, oui. Appelez-nous, dites-nous, hein, n'hésitez pas. Il y a Nadia qui dit, franchement, les pieds, c'est juste pas possible. Ah, bah, c'est pareil. C'est horrible, c'est horrible. Ah, c'est pareil. Echo qui dit, putain, vous me vendez du rêve, la team, sérieux, ça m'avait manqué. Mais oui, Echo, là, je me souviens de toi, ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu. Non plus, c'est bien, reviennent tous, c'est cool. Bon, donc du coup, appelez-nous, dites-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors maintenant, j'ai une autre question. Oui, ouais. Du coup, enfin, c'est à Bader que je vais poser la question, mais tu nous appelles en disant voilà, je suis soumis, je voulais pas, finalement, je fais, etc. Mais finalement, t'as l'air d'être plutôt content. T'es heureux? Oui. Oui, oui. Bon, bah voilà, c'est très bien. Tu nous appelles pourquoi? Alors, juste pour le dire. Il n'y a pas que l'été aussi, je le fais. Je fais plein d'autres choses. Quoi. Ah, tu fais quoi comme autre exemple? Bah, elle me met un goutte dans le cul et j'adore faire. Attends, elle te met quoi? Un goutte dans le cul. Un goutte dans le cul. Ah, mais quelle taille? Est-ce que passage du désir.fr est passé par là? Oui, ça je ne sais pas, mais à peu près, je dirais, est-ce que ça a la taille d'une putain de grosse bite? C'est genre les gros godes avec 300 vitesses, etc. là. Ou alors un petit tout fin qui permet juste de chatouiller? Non, les grosses. Ah oui. Ah oui, donc toi t'es un guerrier. Ah oui, t'es vraiment parti loin toi. Ah oui, toi t'es un gros guerrier. Mais cela dit, ta meuf aussi elle doit être partie loin quand même, parce qu'il y a un moment, il faut vouloir. Enfin, j'essaye de me mettre à la place d'une meuf. Quel serait mon plaisir de le voir se mettre un gode dans le fion? Mais oui. Bah, mais non, mais elle est sado, lui, il est masochiste. Voilà, ouais, elle aime faire souffrir et le violenter, et lui, il aime prendre dans le cul, quoi. Comme voilà. Une bastringue. Non, je sais pas. Non, mais, je sais pas, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner comme kiff. Sandro! Attends, je vais demander. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis standard. Oui, je peux pas tout faire. Bon, et babeur alors? Et babeur, et babar, et la paire. Est-ce que tu kifferais. Enfin, est-ce que ça te. Parce qu'en gros, si tu veux, il y a Bader là qui se met des gouttes dans le fion pour faire plaisir à sa meuf. Et j'essaye de me mettre à la place d'une meuf en me disant qu'est-ce que j'éprouverais comme kiff à voir mon mec se mettre un gotte dans le fion. C'est elle qui kiffe hein, quand il s'en met un. Ouais, bah lui aussi il aime bien maintenant, mais. Bah oui, parce qu'il y a tout le monde est heureux. Voilà. Chez les hommes. Bah en fait c'est compliqué parce que c'est pas mon fantasme, donc je sais pas. Non mais je sais pas, justement, là, ça me ferait bizarre. Bah oui. Mais il y a des filles qui mettent des doigts hein, à leurs copains. Non mais ouais. Des doigts c'est pas pareil. Ouais, un doigt ça va. Non mais des doigts si c'est la même chose. Non. Bah si c'est une introduction anale, c'est la même chose. Tu veux qu'on essaye avec le truc passagejudiciaire.fr et ouais. Un doigt sur pour voir la différence. Bah non, c'est toi tant qui dois sentir. Pas mon doigt, vous pouvez. Non mais attends, il y a pas de problème. Entre un doigt et un god, je veux dire il y a quand même Ah, tu parles de la taille. Eh attendez, bah, oui, ouais. s'il vous plaît, les doux vous circulez là. Ah oui, les doux allez dormir. Écoutez, oui et toutes les merdes et puis voilà, vous revenez dans 10 minutes. Écoutez une comptine, ça sera parfait comme ça. Bon, pardon. Donc revenons à nos moutons. Je voulais avoir l'avis. Donc les filles, appelez-nous pour nous le dire. Les mecs, pareil, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes. Du coup, tu restes avec nous, Bader? Oui. Bon, reste là, d'Aix-les-Bains, là, Bader. Il y a Romain qui dit le nom du film avec le shampoing Head & Shoulders, c'est Evolution. Oh. C'est un film de 2001. J'ai bien aimé ce film. Ah oui, c'est ça, Evolution. Il y a à mourir de rire, ce film. Ouais, bah, c'était pas le but, hein. Non, je crois pas, voilà. Mais c'est, du coup, ça devenait très drôle. C'est ça. Il y a Mr. Steven qui dit d'accord avec Mickaël, je vois pas comment on peut apprécier ce que fait Bader. Écoute, c'est un kiff après, si eux aiment bien, tant mieux. Valo qui dit vraiment par élimination, je choisis l'anulingus, même si les deux sont pas possibles pour moi. Non, mais c'est ça, moi non plus, les deux sont pas possibles, mais à défaut. Damien qui dit moi je préfère le léchage de pieds. Aria qui dit je préfère les pieds, même si c'est dégueulasse, le cul c'est trop gore, la personne pourrait chier à tout moment. Sur ta langue. Même si c'est propre. Mais enfin, la meuf, elle va pas, ou le mec va pas arriver comme ça sans prévenir, tu vois ce que je veux dire. Aurore qui dit, moi, mon ex, il avait le kiff, que je lui bandais les yeux et que je le badigeonne la figure de fruits ou de confiture et que je le lèche. Oui, ça, à la limite, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, quand même, hein. Pourquoi pas. Bon, on en parle. Il y a Félix qui proposait, moi, c'est le cul donc. Et Cassie qui dit conspiration de lesbienne, mort de rire, ils sont fada. Bon, c'est surtout Polo hein, pour le coup. Bon, je vous ai mis la photo également là du bureau de l'émission avec. Bon, on a un bureau, donc une pièce qui s'appelle le bureau. Et on a 4 bureaux à l'intérieur. Je précise parce que sinon ça fait beaucoup de bureaux. Et donc, on vous demandait quel était le bureau de qui. En gros, il y a des numéros 1, 2, 3, 4. Lequel appartient à Toff, lequel à Sandro, lequel à. Polo et lequel à moi-même et à Fritri Alba qui disait en 1 c'est Toff, en 2 c'est Sandro, en 3 c'est Polo, en 4 c'est Mickaël. C'est une mauvaise réponse. Ah oui. C'est une mauvaise réponse. Camille avec un K qui dit les bureaux 1 Sandra, 2 Polo, 3 Mike, 4 Toff. C'est encore une mauvaise réponse. Continuez les autres hein, si vous avez envie de jouer là. Bon, il n'y a rien à gagner hein, sinon le kiff hein, de jouer. N'hésitez pas à aller voir Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez Mickaël officiel et puis vous donnez vos réponses tout simplement. Il y a Laura qui nous souhaite qui dit bonsoir à tous et big up. Salut Laura. Et Layam qui dit je t'ai ramené 6 nouveaux auditeurs. Ça, c'est cool, Layam. Merci beaucoup en tout cas. Ça mérite un petit message de bienvenue de trou du cul. Voilà, eh ben bienvenue à toi. De trou du cul. Exactement. Merci beaucoup Layam en tout cas d'avoir fait venir 6 nouveaux auditeurs là. C'est gentil à toi. Il est minuit 26 sur Fun Radio. Retour avec Myriam dans quelques minutes qui voulait réagir à Bader. Morgane également, on aura Alper avec la colle et puis les messages malveillants. Ah, enfin, les appels malveillants. C'est toujours au cœur de 2 heures sans pub sur Fun Radio. C'est juste après le son de Calvin Harris. On écoute Summer. When I met you in the summer. Calvin Harris sur Fun Radio, c'était Summer. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bon allez, on est toujours en direct évidemment, on va se faire les appels malveillants dans quelques secondes. Il y a Bader, il y aura Myriam, Morgan et Romain pour réagir dans quelques instants. Et puis je vous demandais, donc on a mis des photos du bureau sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram avec donc 4 photos puisqu'il y a 4 bureaux dans ce bureau. Et donc on vous demandait à votre avis quel bureau appartient à quel membre de l'équipe. Il y a des numéros 1, 2, 3, 4 et il y a plein de réponses qui sont arrivées. arriver. Il y a Christopher qui dit en 1, c'est celui de Toff. En 2, celui de Mickaël. En 4, c'est Polo. Et en 3, c'est Sandro. Non. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Non, je ne dis faux, pas s'il y en a qui sont bien placés ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas la bonne réponse. Julien, ah, Julien, c'est lui qui a été au riz apparemment. Hein. Alors, Julien qui a envoyé un message sur le Facebook qui dit... En 1, c'est Sandro, c'est la seule qui travaille vraiment, normal que ce soit en bordel. En 2, Toff, on le sait tous que c'est un grand gamin parce qu'il y a un flingue. En 3, Polo, il est jamais là, il préfère rester à la table de ping-pong. Parce que Polo est un grand ping-ponger. Ah ben, je déteste ça voilà. En fait. Hein. Et Mickaël, en mode Playboy, on met le Hugo Boss en avant. Alors, attends. Ah oui, la sacoche. Bon, allez, ok, d'accord, le 4, c'est moi. Allez, on peut le dire. Le bureau numéro 4, c'est moi. En revanche, l'espèce de chapeau de paille, c'est pas moi. C'est, j'annonce directement, c'est pas le mien, c'est à la personne qui se trouve en face de moi. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez continuer ce petit jeu gratuit, hein, c'est voilà, y a rien à gagner, c'est juste pour le fun. Vous allez nous rejoindre sur le Facebook, le Twitter et sur l'Instagram, là, sur Internet maintenant. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et il y a Sakane Sashi qui dit j'ai eu mon idée, Mickaël, on devrait envoyer Toff en enfer pour qu'il torture des gens juste avec sa présence. Bah oui, on va lui prendre un billet. Ouais, mais on va faire chier Satan. Sur les... Écoute, c'est mal, le pauvre, il a déjà bien autre truc à faire, lui, quand même. Et Echo qui dit coup de pelle pour Polo parce que c'est gratuit. C'est vrai, alors si c'est dit comme ça, voilà. Merci. En plus, tu rapportes un nouvel auditeur. Bisous d'Alex sur ton cul, Mika. Eh ben, écoute, merci, Echo, et puis merci, Alex. Hein, sois la bienvenue ou le bienvenu. Je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille avec ce prénom. Bon, on fait les appels malveillants. Juste allons-y. Après, on récupère Myriam, Romain, et puis on va rappeler Morgane, là. Ça vient de couper, là, à l'instant. Et on aura la réponse à la colle avec Alper. Alors, l'appel malveillant de ce soir n'est autre que, eh bien, cette enquête sur laquelle nous sommes tombés. Soit, a priori, c'est une triste enquête. C'est triste enquête. C'est vrai, 3 femmes sur 4 n'aiment pas le cunilingus. Oui, c'est honteux. Je vous ai d'ailleurs mis le post sur le Facebook et le Twitter pour avoir vos avis, les filles, parce que j'avoue que j'ai un petit peu de mal à le croire. C'est trop 3 sur 4, c'est quand même violent. Oui. Voilà, donc on va appeler... Je pense même que c'est 4 sur 5. 4 sur 5 ? Ouais. Parce que sur 3, tu peux pas avoir 4 personnes. Si t'as 3 personnes. Ouais. C'est vrai. Bon, mais bref, 3 sur 5, bon, enfin ça reste beaucoup. Non, mais c'est de la faute de Toff, ça. Ça reste beaucoup. C'est l'odeur. Exactement. Ouais. Bon bref, quoi qu'il en soit, si vous voulez nous donner vos avis, bah, n'hésitez pas, vous nous appelez. Et en attendant, eh ben, on appelle maintenant grâce au numéro de téléphone que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. Allons-y. Eh ben oui, on y va. Et puis on aura DJ Smash aussi avec Electro Bitch. Il y aura Ariana Grande aussi, bref, plein de trucs. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez le cunilingus, madame. Pardon ? Est-ce que vous aimez le cunilingus ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ben, c'est quand votre mari, il vous les chouille. Oh, mais si, il va. Ben, pourquoi vous dites ça, madame ? Non. Ah, c'est dommage. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé au début avec l'écho, là, mais bon, ça c'est... Téléphone pourri. Ça s'est arrangé après. On rappelle ? Allons-y. Allez, c'est parti, on y retourne, minuit 34 sur Fun Radio, toujours au cœur de 2h sans pub, on est bien tranquille, pépère. Oui, allô. Oui. Oui, je m'excuse monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais. En fait, allô. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je voulais savoir si votre femme aimait le cunilingus, monsieur. Aimait ? Le cunilingus. Ouais, t'es la tienne, qu'est-ce qu'elle aimait ? Non, c'est pas qu'est-ce qu'elle aimait, monsieur, c'est qu'est-ce qu'elle aime. Et qu'est-ce que ça peut te faire ? Ben, c'est pour savoir, monsieur. Ouais, voilà. J'ai entendu là. Non, j'ai pas compris, monsieur. Un peu de mélanger parce qu'on a le numéro, hein, coco. Il y a les types dessus, hein. C'est bon, hein. Qui tu es ? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff ? Oui, c'est ça. Mais va te faire enculer par Toff. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Enfin, c'est pas gentil. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, je veux juste savoir si votre femme, elle aime le cunilingus, monsieur. Pourquoi vous voulez savoir ça ? Bah, parce qu'il paraît qu'il y a 75% des femmes qui n'aiment pas, alors je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Non, ça vous regarde pas. Hein. Bah, si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Eh bien, ça vous regarde pas, j'ai dit. Mais oui, mais je vous appelle pour ça, monsieur. Hein ? Oui, mais moi, je vous appelle pour ça, donc faut répondre à la question maintenant, monsieur. Oh, va te faire enculer, allez. Oh non, monsieur, vous pouvez pas me dire ça. Oui, allez, ciao. Non, ça se fait pas, monsieur, allô ? Comment ça, ça se fait pas ? Mais on dit pas va te faire enculer aux gens, monsieur, ça se fait pas. Et alors, quand vous dites que ça peut vous... On a pas envie de répondre. Bah oui, mais monsieur, ça se fait pas de pas répondre. Va te faire enculer, je suis pas content, c'est pareil, allez. Ah bah non, monsieur, enfin... Ne dites pas ça. Oh. Oui. C'est où tu es tombé là ? Non. Chez les flics. Et alors ? Et alors, comment ça, et alors ? Bah, ça n'empêche pas de répondre aux questions, monsieur. La mission de la police, c'est de répondre quand on pose une question, monsieur. Ouais, mais tu appelles les flics et tu demandes si c'est sa femme, mais je sais pas quoi. Mais je croyais qu'on n'était pas la police, monsieur. Bah, on a la police ou on n'est pas la police? Va te faire enculer, allez. Monsieur, je suis pas sûr que la police parle aussi mal. Ouais, allez, va te faire enculer. Ah bah non, monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Ah, la police est vulgaire. Ah oui, alors nos gens, Oh là là, mais que fait la police? Ben, je vous le demande. Ben, justement, oui. c'est à se le demander. Bon, allez, retour avec Bader et Myriam. On va d'abord donner la réponse à la colle, là, maintenant, là, toujours là, Alper. Ouais, toujours. Eh ben, très bien. C'est l'heure maintenant de donner la réponse à la colle. On va donc appeler quelqu'un qui a donné cette réponse par SMS sur le Facebook de l'émission. Et puis, bah, si la personne qu'on appelle décroche et donne la réponse, il ou elle gagne. Dans tous les autres cas, c'est toi qui repars avec l'iPod Nano, Alper. On y va. Allez, c'est parti. Faut que ça décroche, évidemment. Allô? Oui. Salut, c'est Mickaël. Bonjour Mickaël. En direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Fabienne. Fabienne, bah salut Fabienne. Il y a Alper qui a une colle à te poser là, vas-y Alper. Salut Fabienne. Alors, salut. La colle. À l'âge d'en une et gratte-moi la tête. Ce qui est rouge devient noir et se jette. Qui suis-je? Une allumette. Oui, c'est ça. Ouais. Eh bah voilà. Désolé pour toi. Ouais. Oh, ça arrive. Pour Alper. Ouais. Eh ben, bravo, en même temps, il a maintenant prédestiné. Ouais. Ben non, mais en plus, j'ai déjà un iPod, y'a pas de problème. Oh, bah ça va, bah, alors, on est tranquille. Ah, je suis super contente. Eh ben bravo, Fabienne. L'iPod Nano dernière génération est pour toi. Tu vas rester au standard. On va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ça rapidos. Eh ben merci beaucoup. Avec plaisir. Continuez comme ça. Gros bisous, Fabienne. Moi aussi, gros bisous. Salut, Fabienne. Salut, Alper également. À bientôt. Tu rejoues quand tu veux. Hein. Dis-moi, est-ce que je peux avoir un pack fun? Mais bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Ça roule. Alper. Salut. Tu changes les fenêtres? Alper. Ouais, Alper, il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux, ouais. Je suis désolé, je m'en vais, de moi-même. Bah, voilà. Franchement, c'est mieux, ouais. Bon, salut Alper, en tout cas, allez, à bientôt, hein, tu retournes au standard. Salut, salut. Pas de quoi. Allez, bonne nuit, ciao. Myriam est avec nous également de Lyon. Salut Myriam. Oui, salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah super. Bon, eh ben tant mieux Myriam. Alors, 32 ans de Lyon, Myriam, et tu voulais réagir par rapport à Bader là qui est soumis en fait au final. Il peut poser des questions sur les pieds, De quoi tu dis Myriam? Sur les pieds, sur l'anulagus et plein de choses. Ah oui, parce que lui, effectivement, se mettait des trucs dans le fion, là. Il aimait bien, enfin, même s'il aimait pas au début, mais en tout cas, au final, il aimait bien. Et je te demandais. Bah voilà. Et du coup, j'avais posé une question, une grande question. Question existentielle. Si c'est le seul moyen de sauver la Terre et tous ses habitants, mais il faut impérativement faire un anulingus ou un léchage de pied à votre copine ou à votre copain, peu importe. Qu'est-ce que vous choisiriez, le léchage de pied ou l'anulingus? Tu choisirais quoi, toi, Myriam? Alors, suite à une longue réflexion, alors je dirais l'anulingus. Ah, et toi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on marche sur nos pieds toute la journée, on porte des chaussures, ça marine, etc. Alors que, en général, la plupart des gens, ils ont une certaine hygiène de vie. Attends, parce qu'il y a Bader qui est en train de s'insérer un truc dans le fion là pendant qu'on est en train de parler. Il se masturbe. Hein, on l'entend en train de gémir là. Je suis un chien. Je suis soumis, je vais me mettre un contre-truc. Vas-y Bader. Ça va alors. Bon, alors vas-y, continue, excuse-nous Myriam. Non mais enfin, c'est une logique. Enfin, les pieds, ils marchent. Qu'on soit pieds nus ou dans des chaussures, mais c'est dégueulasse. On dirait Alexandra. Ouais, mais la nuit, on chie dessus. Ouais, mais oui, la nuit, c'est pas très propre non plus. Hein. Sauf si t'as la chance que un minimum d'hygiène. Ouais, mais sauf si t'as la chance. Myriam! Mais je crois qu'on a le standard le plus merdique du monde, en fait. Non, je dis sauf si la meuf, enfin, le mec, ou le mec, peu importe, a pris une douche et n'a pas été, comme dirait le doc, à la selle depuis. Ah non, Ah oui, là, du coup, c'est propre. C'est hors sujet. Bah ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi c'est hors sujet? Ah non, mais c'est parce que ça c'est l'extrême. Mais non, je dis justement, tu dis les pieds c'est dégueulasse parce qu'ils transpirent, ça marche toute la journée, c'est sale, c'est vrai. Ça c'est le courant, voilà. Ça c'est tous les jours. Mais oui, et tu prends pas de douche tous les jours? Ah bah non. Attends, Ça c'est tous les jours. Le mec, tu prends pas de, tu ne prends pas de. Mais non, mais non. Non, mais c'est pas que t'as pas compris. T'as pas compris. Je disais juste, sauf si tu as la chance de tomber sur un mec ou une meuf qui a pris une douche et qui n'a pas été à la selle, comme dirait le doc. Également, il n'a pas été chier. Ou le mec qui n'ont pas pris la douche juste avant. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont une hygiène où ils sont allés aux toilettes, ils sont essuyés, ils sont nettoyés. Mais non, mais je sais, mais tu ne. C'est pas grave. Non, laisse tomber, je pense que tu n'y arriveras pas. T'as pas compris, c'est rien, Myriam. Attends, on va quand même prendre Romain également, reste avec nous Myriam. T'es là Romain de Pont-l'Évêque dans le Calvados? Ouais, salut, Nu Mickaël. Nu Mickaël, on m'appelle Nu également. Salut à toi Romain. Alors, qu'est-ce que tu choisirais toi? Le cuni. Non, non, c'est l'anulingus. Non, c'est un cuni. Ou le léchage de pied. Pas le léchage de pied, c'est dégueulasse. Donc l'anulingus, mettre ta langue dans le fion. Oui. Ouais. Oui. Donc c'est pas dégueulasse ça. Bah si, mais bon, après c'est difficile de savoir lequel des deux est le plus dégueulasse, tu vois. C'est compliqué. Ouais, enfin franchement, je pense que c'est les pieds. Bah, non, si les pieds ça m'assère dans la pompe et tout. Voilà, merci. Mais on n'a pas dit le contraire, Myriam. Le trou de balle est aussi sale. Mais le trou de balle est dégueulasse quand même. Oui. Et il y a un message de Véronique qui dit: si vous deviez vous faire enculer à chaque fois que l'on vous l'a dit, vous n'auriez plus de derrière. J'adore ce que vous faites, continuez comme ça, c'est le moment où je me détends. Mais j'ai pas compris le début. Si vous deviez vous faire enculer moi, à chaque fois. Ah, va te faire enculer, oui d'accord, oui. Ok. Quand Toff se fait insulter en disant d'aller se faire enculer. Ah oui, non, mais il a déjà plus de fuyons de toute façon. Toff oui. N'est pas humain. Ah ouais, c'est déjà ça. Je suis mort de toute façon. Il y a Cécilia qui dit: allez, je me branche sur Mickaël avant le dodo, comme à la grande époque. Eh bah oui, Cécilia, là, il y a un moment, faut rester là, hein, Cécilia, là, je compte sur toi. Alika aussi, trop du bonheur de vous écouter chaque soir. Petit coup de pelle pour mon PC qui n'arrête pas de bugger, truc de dingue. Bah écoute, on va t'en faire un, tiens, hop là, un petit coup de pelle. Bon bah merci Romain, merci Myriam en tout cas d'avoir appelé. Hein. Bonne et vous revenez quand vous voulez, à bientôt tous les deux. Salut, merci, salut. Au revoir. Ciao. Salut. Bon, reste encore avec nous. On va demander s'il y en a d'autres, des hommes ou des femmes soumises sexuellement, évidemment. Appelez-nous pour qu'on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bader, ne bouge pas de là. Est-ce que Anthony, peut-être de Charleroi, son avis est donné sur sur la soumission? Parce qu'il a réfléchi depuis dimanche. Il était bi, maintenant il est devenu gay. Donc ça s'est fait. Et donc, du coup, peut-être qu'il est soumis ou et pas. Il aime lécher les culs. Mais peut-être, on ne sait pas. Et si je peux me permettre quand même. Tu te permets rien du tout, tu vas me laver avec cette vilaine peau et ensuite tu te permets. Avec sa question, il manque Bader, hein. De quoi? Oh putain. Tu vois, c'est ce que j'avais dit. Et ça, c'est le problème, c'est qu'en fait, il y a Toff qui déteint sur Polo. Non, j'étais avant lui. Avec des vannes aussi merdiques. Ah mais je suis encore plus pourri que Toff. C'est très très dur, très très dur. Bon, enfin bref, il y a Jean qui dit non, léchage de pied. Christophe qui dit vous êtes au top, vraiment la meilleure radio, mais c'est pas un coup de paille, hein, c'est un coup de pelle à Toff. Et je peux avoir un message biard. Oui. Alors attends, je vais t'en mettre un de message biard. Qu'est-ce que j'ai en stock parce qu'il y en a plein qui sont arrivés, des nouveaux, celui-là. Bah écoute-moi, petit merdeux, tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer, ta mère, elle va te faire enculer, tu vas aller te faire enculer, et tu ne casses pas les couilles, ok? Il était pas mal celui-là, il était pas mal. Très sympathique. Il était très très sympathique, effectivement. Et Jérémy Love sur le Facebook, sur le Twitter, qui dit bon problème, je suis dans un champ de bites et je patine, ma voiture avance plus, Toff, viens pousser. J'arrive. Ah bah évidemment, avec plaisir, hein, ça c'est clair. Et Letty qui dit à titre privé, je réponds sur l'étude des filles qui n'aiment pas le cunnilingus. Je réponds que soit leur mec est manche ou coincé, soit elles mentent. Astuce perso, un homme qui sait embrasser et donner un baiser frissonnant ne peut pas faire vibrer mademoiselle au cunnilingus. Lingus, à bon entendeur, bonne soirée. Merci beaucoup Letty Letty pour son petit message. Continue d'ailleurs avec le hashtag Mickaël à en balancer un max des messages sur le Facebook également. Venez nous rejoindre, vous tapez Mickaël officiel. Et puis on va se faire péter maintenant un petit son détente, la plage. Oh. Tranquille, c'est DJ Smash qu'on écoute avec Electro Beach. Let's go to the beach. Avec plaisir. DJ Smash, à l'instant sur Fun Radio, c'était Electro Bitch. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, la limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio et puis restez bien là puisqu'il y aura Ariana Grande dans quelques minutes avec Problem. Je vous calerai aussi le son de Dioro avec 5 Hours. Et puis un de mes sons préférés également toujours, hein. Avicii avec Lay Me Down. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah on est là, hein, on est pépère là jusqu'à 2h du mat là. Il n'y a pas de problème, vous demandez, vous nous envoyez vos messages tout simplement avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a Fabien qui dit salut l'équipe, j'ai ramené 9 nouveaux auditeurs. Est-ce qu'on peut avoir un message de bienvenue bien trash? Merci Fabien déjà, première chose. Et alors t'en veux un message de bienvenue bien trash? Oui, pas mal celui-là je crois. Alors moi je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père. Je nique toute ta famille, moi. Voilà, ben comme ça, quand vous êtes plusieurs, en même temps, c'est pour tout le monde, tiens, c'est nickel. Y a Thomas qui dit, ah oui, par rapport au bureau, en un Sandro, en deux Toff, en quatre polos, en quatre, en trois polos, en quatre Mika. Non. Bah non. Non, c'est pas la bonne réponse. Jérémy aussi, Jérémy Love sur le Twitter. Mickaël, tu joues plus de guitare, ça manque franchement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. Spécialement pour toi, je ressors la guitare. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je ressorte la guitare, là, bougez pas. Elle est pas accordée, hein. Bah non mais écoute tu nous fais un truc en ré majeur. Bah on va s'arranger. Bah arrangeons-nous. Bon alors attends une seconde. Attends, allez, parce qu'il faut que je la retrouve. Il faut là, l'étui, il faut sortir de l'étui et tout. Attends, on arrive. Alors, attends, il faut. Allez à la cave. Bah une seconde, attends, on va la retrouver là. Bon, alors attention. Vous êtes prêts? Ouais. On est prêts. Je sais pas si j'ai peut-être. Ça fait longtemps quoi. Ouais, je sais, j'ai peur de foirer. J'ai peur de foirer. Ah bah vas-y. Bah oui, je sais bien, mais j'ai peur de merder quand même là. Bon, alors attention. Attention. Je mets en chanson aussi ou pas? Bah oui. Bon, alors attendez. Ça va pas sinon. Attendez. Ouais, attendez. Oulala, le son est pas bon là. Oulala. Alors attendez. Je vais la régler. Ah bah mec, là, c'est pas possible. Hein. Ça va pas du tout là. Non, j'ai l'accordeur. Bon, attends, gère un peu le dos là pour voir là. Attends, j'essaie d'abord comme ça. Ah c'est mieux là. Non là c'est bon. Là ouais. C'est bon. Alors attention, on l'a fait, on y va. C'est parti. T'as pas perdu hein. Oh. Ça va. Mais on sent qu'elle est pas bien accordée. Non. Allez attention. Ah, c'est vraiment pour vous parce que je sentais pas plus que ça. Hein. Bon allez, je continue. Je fais le refrain ou pas? Ouais, bah ouais. Oui. Bon allez, c'est parti, attention. Bon allez hop, on arrête pas trop parce qu'après je vais avoir des ampoules au doigt. Ouais, après ça fait mal, t'es sûr. Exactement. Ça fait de la corne, ouais. Ouais, exactement, ça va être assez dégueulasse. Attends, je l'arrange. Donc voilà, bah tu peux l'arranger, ou ouais. Je la ressortirai à l'occasion éventuellement là. Bon bah voilà Christophe. Ah la guitare de Mickaël, ça fait. C'est vrai, ça manquait. Bah voilà, c'est fait. NJ aussi. Moi les deux directs sur ma copine, c'est le rêve. Le fait de lécher les pieds et le cuni. Oh bah écoute, tu sais t'as bien mieux. Dans quel ordre? Je peux pas le savoir. Christophe qui dit bah choisir entre les pieds, lécher ou un cul. Bah les pieds je peux pas du tout, donc je prends le cul. Et puis Johan depuis l'application Mickaël No Limit qui dit si la meuf est bonne, direct annulingus et je l'encule au passage. Ah merci, il est bon, il est bon. Merci, c'est bien. Et Secret Key qui dit moi pas les pieds, pas le cul, le mec a pas le choix, c'est le zizi ou rien. Oui non, c'est déjà très très bien hein, cela dit. Ouais, mais là oui. C'était une question de vie ou de mort. On n'avait pas le choix, il fallait impérativement choisir l'un ou l'autre, c'était comme ça, sinon la terre explosait. Voilà, et c'était oui, terminé. La fin du monde. Des bisous à tous, sauf à Toff, c'est Émilie. Bah, merci Émilie, je te fais des bisous également à toi aussi. Tiens, qui a déjà eu le jeu Watch Dog? Bah, pas nous. Pas nous, bien, vous avez remarqué aussi. Ouais, on l'a offert sur Fun, là, nous, pff, ouais. Rien. Ah, j'en ai vu plein, ils ont même reçu des consoles et tout, nous. Rien de chez rien. Bah, je viens de voir que c'est le jeu, que le jeu a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Ah, et en une semaine, hein. Attention, 4 millions d'exemplaires en une semaine, c'est le record absolu de tous les jeux vidéo. Donc, bah, du coup, venez nous dire si vous l'avez déjà testé, de 1, ce que vous en pensez, de 2, et puis sinon, en règle générale, quel est votre jeu vidéo préféré? On peut en parler, on est là jusqu'à 2h, donc Candy Crush, ça compte? Non. Vous mettez votre numéro, vous mettez votre message, pardon, sur le Facebook et le Twitter. On va lire vos messages dans quelques minutes. Je vais vous mettre un petit post également. Vous nous appelez aussi pour réagir, hein. 01 42 02 48 5000 et 02 851 4 x 0, c'est depuis la Belgique. On va se faire le karaopé également. Eh oui, karaopé dans quelques minutes. J'avais dit que c'était vers 1h du mat, on va le faire. Si vous voulez là aussi participer, bah, vous nous appelez pareil. Le principe est simple, on vous met des chansons remixées. C'est même pas remixées, c'est rejouées en paix et il faut découvrir quel est le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe ou le titre de la chanson originale. Voilà, donc allez-y, appelez-nous. Il y a un casque DJ à gagner. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On a besoin de deux garçons et deux filles. Allez-y. Bon, Bader. Oui. Bon, pour terminer avec toi, il y a. T'as une bande, Bader, ou pas? Eh, faut arrêter maintenant avec les vannes. Hein. Non, non, ah, c'est lui. Polo qui dit ah, c'est lui alors qu'il a fait la vanne de merde tout à l'heure là. Oh là là. Bon, c'est Bader, Bader d'Aix-les-Bains qui disait qu'il était soumis depuis peu avec sa copine et que finalement il aimait bien. Et évidemment, on ne peut quasiment plus passer de lui. Anthony de Charleroi qui a peut-être aussi déjà été soumis. Anthony, t'es là? Oui, Mickaël. Oula, attends, attends, attends, viens parce que si tu parles au bout de ta pièce, ça va pas être facile. Hein. Je suis aux toilettes en fait là. T'es où? T'es aux toilettes? Ouais. Mais tu pouvais pas. Tu... Bon, tire la chasse. Voilà. Oh tu, tu peux tirer la chasse pour qu'on l'entende bien? Ouais, allez, mon café. Oh mon dieu. C'est un ouf. Qu'est-ce qu'il faut aux toilettes? Mais tu dois faire quoi là? C'est ma grande. De quoi? C'est ma grande. Il a fait sa grande, il a chié une grosse merde. Ah, t'as fait la grande commission. Voilà. Mais t'en as encore pour longtemps ou pas? Non, c'est fini. Ah, ça y est, bah, parce que si tu pouvais éventuellement sortir pour aller dans une autre pièce, en fait, ce serait pas mal. C'est un peu gênant de parler avec toi alors que tu es en train de chier. Quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Bah, c'est l'odeur surtout. Hein. Bah, c'est surtout ça, ouais. Ah, là, j'ai changé sa vie. T'es où? Ouais, j'ai changé, c'est mieux ici. Attends, mais on t'entend pas, mais t'es à l'autre bout de... Alors, est-ce que tu mets ton téléphone avec une perche bien loin de ta bouche? Non, pas du tout. Ah, parce qu'on dirait quand même, là. T'es quoi aujourd'hui? T'es gay ou t'es hétéro? Attends, est-ce que t'es toujours gay? Ou t'es bi? Toujours gay. Ah bon, d'accord. T'es pas hétéro-curieux? Non. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, parfait. Est-ce que tu es soumis, toi, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Bah non, ça s'entend que c'est pas un mec soumis. C'est vrai, t'entends c'est qu'il vrai. A de la poigne, que c'est un... Un mec fort, quoi. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, jamais quelqu'un t'a demandé de t'introduire, pardon, des trucs dans l'anus? Non, il n'aimerait pas parce que je n'aime pas, donc... Mais par contre, on n'entend rien, Anthony. Comment se fait qu'on t'entend pas? Est-ce qu'il te malibre le haut-parleur? Attends, un gay qui s'introduit rien dans l'anus. De quoi? C'est pour le GSM, je sais pas. Putain, on comprend que dalle. Hein. Mais effectivement, Toff soulève un point important. Soulève un point important. Donc toi, tu dis que t'es gay, mais que tu il prend tu, pas dans Luc. Tu ne veux rien dans le fion. Voilà. Bah, mais gay, tu dois te faire chier quand même là. Non, il est relou. Non. Ah merde, on a perdu Bader. Donc tu prends rien. Donc tu n'es pas, tu n'es qu'actif. Voilà. Jamais ton mec qui t'encule. Non. Ah bon. Mais un doigt au moins. Non plus. Mais t'as déjà eu un mec? Oui, plusieurs. Plusieurs. Et aucun n'a aucun. Et aucun ne t'a défloré l'anus. Non, oui, d'accord. Okay. J'ai voulu tester pour voir, mais j'aime pas. Ah, t'aimes pas, d'accord, ok. Peut-être qu'il y était trop sec, hein, je sais pas. C'est pas non plus. Bah, c'est possible aussi. Bon, écoute, merci en tout cas, Anthony. Hein. Ah oui, c'était génial. Michael. Bah, écoute, je t'en prie. Merci à toi. Hein. Michael. Oui. Par rapport au sujet... On n'entend rien, Anthony. Franchement, moi, déjà, j'ai le casque un peu plus fort parce qu'on n'en comprend rien. Je me mets comme d'habitude à la place de ceux qui sont dans leur voiture, dans leur camion ou quoi. Ils ne doivent rien entendre. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, ça doit être comme ça. Tiens, je vais te couper, ça va faire... Ouais, Anthony? Ah ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais, t'as raison, ouais. Non, mais ouais. Bah, évidemment, évidemment. Bon, Anthony, parle plus fort. Faut le rappeler. D'accord. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais... Plus fort, hurle comme... Anthony, hurle. Plus fort, Anthony. Le sujet que vous parlez c'est tantôt. Encore plus ouais. Fort. Moi je choisirais le premier. Toi tu préfères lécher les pieds? Ouais, parce que j'aimerais pas faire ça avec mon mec lécher le. Putain, tu dois être le gay le plus chiant au lit quand même. Ah ouais, non mais il est horrible. Oh là là là là, tu dois être la plaie du gay. Non mais c'est vrai. Ah ouais, moi j'aurais même pas envie de le baiser. Putain, tu prends pas dans le lion, tu fais pas la lulagus. Oh là là. Et rassure-moi, tu suces tes mecs quand même. Oui. Ah, ah quand même. Bon, nous voilà rassurés, c'est déjà ça de prix alors effectivement. Ouf, heureusement. Bon, eh ben merci Anthony hein. Bah de rien. Et puis à bientôt hein. Tu reviens quand ouais, tu veux. Ouais ouais, quand tu veux Anthony hein. T'es toujours le bienvenu. Comment? C'est quand vous voulez ponctionner aussi, je suis toujours disponible. Donc oui, bien sûr, on a bien compris, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça roule. Salut Anthony. Salut Mickaël. Ciao à toi Anthony. Et Anthony qui m'a bien donné envie de réécouter le moment où il s'est fait où il a quitté sa meuf. Je sais pas si vous l'aviez entendu, si vous étiez là avec nous, c'était la semaine dernière, je crois qu'il y a une semaine, mercredi ou jeudi, je sais plus, jeudi je crois. Non, mercredi. Ouais, enfin bref, la semaine dernière, fin de semaine dernière, il nous avait appelé Anthony pour nous dire ouais bon bah voilà, en fait je suis plus avec ma meuf, mais elle me court encore après, donc je voudrais casser avec elle. Et on lui avait dit mais t'as déjà cassé avec elle. Oui, oui, mais je voudrais recasser avec elle. Et donc, du coup, on avait dû l'appeler plusieurs fois parce que on lui avait donné des conseils de professionnels. Bah, de cassage. De grands, grands, grands professionnels. On va se le remettre dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Il y a Brandon qui dit Watch Dogs est le meilleur jeu que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il m'a juste fait kiffer mes soirées gaming. Il y a Rainbow qui dit j'ai déjà testé Watch Dogs, il est épique. Concernant mes jeux vidéo préférés, sont Dota 2 et Counter-Strike. Secret Key qui dit perso, j'adore Counter-Strike et Tomb Raider. Watch Dogs, ça a l'air vraiment pas mal également. Aria qui dit mon jeu préféré c'est Tekken et j'en fais rager plus d'un d'ailleurs. Et Andreas qui dit moi mes préférés c'est FIFA, Batman et aussi Medal of Honor. Les premiers en tout cas, et Jean-Charles aussi. Moi, Anulingus, à partir du moment où la sodomie suit. Ah oui, normal, tu fais pas ça gratuitement quoi. Ah bah ouais, et il a raison. Évidemment. Et Bully Bill qui dit putain, le mec il est en train de chier, il appelle fun. Oui, c'est ça, grosso modo. Bah il s'ennuyait donc voilà. Et Quentin qui dit aussi pourquoi Toff est aussi con. Bah c'est une grande question, beaucoup de chercheurs sont dessus hein. Oui, ouais. Mais pour le moment personne n'a trouvé la réponse. Malheureusement pour l'instant ça reste en réponse, c'est bien dommage. Il y aura dans quelques minutes le karaopé, restez bien avec nous. On va se remettre le moment où Anthony est passé, là où on s'est bien marré la semaine dernière. Et puis bah toujours au cœur de 2h sans pub sur Fun Radio, on se fait bah comme promis Ariana Grande maintenant sur Fun Radio. C'est Problem, c'est Mickaël Nowicz qu'à 2h, bienvenue. Le son d'Ariana Grande à l'instant sur Fun Radio, c'était Problème. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Voilà le son de Problème à l'instant, il y aura 10 euros à suivre aussi avec 5 Hours. Et puis je vous cale aussi à Vichy avec Lay Me Down. Voilà, c'est ce qui arrivera tout à l'heure sur Fun Radio, donc restez bien avec nous. Et puis on va également donner la réponse à la photo, la photo du bureau. Il y a Steph qui proposait en 1 Sandra, en 2 Toff, en 3 Mickaël, en 4 Polo. Non, c'est pas la bonne réponse non plus, puisqu'on a fait une photo du bureau et je vous demande quel bureau appartient à quel membre de l'équipe. Devers45 qui disait Toff en 1, 2 Polo, 3 Sandro, 4 c'est Mickaël avec son Mac Apple sur son bureau. Et effectivement, en 4 c'est bien moi, c'est vrai. Donc en 1 c'est Toff, normal, on voit tous les bacs, les pack passagedésir.fr ils sont là prêts à être envoyés. En deux c'est Polo à moitié rangé mais avec le flingue pas loin normal voilà. il défend le bureau. En trois Sandro qui on le remarque bien n'est jamais à la radio. Moi ça me choque ce bureau, voilà. Et il y a en quatre c'est moi, voilà, c'est un peu c'est un bordel organisé. Voilà. Mais moi aussi, je suis très organisé. Ouais, tu parles, c'est un bordel sans nom, oui. Le chapeau de paille est à Mickaël. Non, le chapeau de paille est à Polo. C'est vrai. Qui est en face de moi. Il est pas sérieux, lui, avec son chapeau de paille pourri, là. Je l'avais même pas vu. C'est quand je viens de mettre la photo, je me dis, putain, l'enculé, il a mis le chapeau de paille chez moi. Mais non, mais il est sur le bureau de Polo, hein. On le voit bien sur la photo du bureau de Polo. Ah bon, alors ça va, alors. Me voilà rassuré. Bon, il y a Canvent aussi sur le Twitter. Salut, moi, mon jeu préféré, c'est Halo. Il est plus qu'énorme. Lydie aussi. Moi, je vais le tester, le Watch Dog. Et Damien qui dit, je kiffe les Assassin's Creed. On en parlait donc de Watch Dog, puisqu'il a été vendu en une semaine à plus de 4 millions d'exemplaires, ce qui est le record absolu pour tous les jeux vidéo jamais vendus. Et donc on vous demandait quel était votre jeu vidéo préféré, en fait, tout simplement. On va se faire le karaopé maintenant avec Maëva et Joël. Salut Maëva, salut Joël. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va Maëva? Salut tout seul. Ça va Maëva? Mais je connais pas tellement bien le jeu, mais je me lance. Hey, Joël, t'es sérieuse? Ça fait 3 fois que je dis ça va Maëva, chaque fois tu dis oui ça va. Maëva! Oh my god, ça y est! À la bonne heure! Eh ben, ça va pas être facile! Ridicule, hein. Ça va pas être facile! Arrête de rejeter la faute sur le téléphone, c'est toi! Joël! Ouais? Oui? Et là, ne répond pas! Je suis là. Bah, j'attends. C'est énorme. J'ai entendu ma radio que dans mon chien. Oh là là. Mais oui, mais Joël, coupe la radio. Bah, elle a coupé ma radio. Eh ben, alors ça va. Bon, Léo est avec nous également à Valenciennes. Ça va, Léo? Ouais, ça va, et vous? Tranquille, Léo. T'es hindou, toi? Bah, je suis passé déjà la semaine dernière pour le Je t'emmerde. Ah, et t'avais perdu. Ouais, pas voilà. D'ailleurs, je passais plusieurs fois d'ailleurs. Non, Joël, je t'emmerde, oui. C'est le nom du jeu. Mais oui. Il dit, il est pas poli, hein. Oh, Joël, elle est bonne, Joël. C'est pas Joël, il m'appelle Johan. Oui, mais attends, mais il y a Joël, la fille Joël qui est là, Joël. Et il y a Johan de Nancy, c'est deux personnes différentes, Johan. On va pas s'en sortir, les gars. Oh, ça va être dur ce soir. Non, je savais pas ça. Franchement, je savais pas ça. C'est pas grave, Johan, sois le bienvenu quand même. T'appelles de Nancy, tout va bien là-bas? On t'en veut, mais pas trop. Ouais, tranquille. Mais bon. Vous êtes passé, ça se passe nickel. Ah, bah c'est gentil, Johan, mais on repassera, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, bonne nouvelle d'ailleurs, on sera à Marseille également pour la fête de la musique. On passe le week-end, à Marseille, ça va être cool. Et pourquoi on fait l'émission dans les studios. Encore mieux. On l'a fait Nancy au début d'année. Là. On va le refaire, t'inquiète. Et donc voilà, pour tous ceux qui sont dans le sud, là, tous les Marseillais, on sera là, on fera l'émission le 22 juin dans les studios de fun, à Marseille. C'est face au Vieux-Port. Voilà, on va se mettre bien. Oui. Exactement. Oh, et puis ça va être cool. Plus belle la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est comme plus belle la vie, Joël. Excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Bon. Maëva, tu voulais dire un truc? Excuse-moi. Hein? Tu voulais dire un truc, Maëva? Manquez-moi, non, pas du tout. Tu vois, parce que. Bon, attendez, excusez-moi, les gars. On va remettre les choses en place. Bon, démerdez-vous. Oh my god. Joël! Quitte cette planète. Joël! Oui. Est-ce que tu m'entends, jeune fille? Enfin, vieille fille. Est-ce que tu peux arrêter de parler quand les gens parlent? Joël, on peut se dire un truc l'un l'autre comme ça? Pas de problème. On peut se parler ou pas, Joël? Ça fait, je t'écoute. Bon, alors voilà, en fait, tu vas faire un truc, c'est que jusqu'à ce que le jeu commence, tu fermes ta gueule. Quand même. Du calme. Du calme, tout va bien. Okay. Bon, allez, je tire la chasse, on y va. Ah ouais, c'est Anthony qui m'avait donné des envies. Bon, on y va. Donc le principe est simple. Léo et Johan, vous allez jouer. Très simple, mais ça va être tellement compliqué ce soir. Léo et Johan, vous allez jouer entre mecs, ok? Ouais, ok. Entre mecs. Maëva et Joël, vous allez jouer entre filles. Comment ça s'appelle? Ça va tout déchirer. Putain, elle s'appelle Maëva, Joël. Ça fait mille fois que je le dis. Maëva. Léo, t'as intérêt à me tuer. Mais j'ai un mauvais GSM, excuse-moi. Non. Bon, bah, on y va. Joué. Alors attention. Bon. Je réexplique la règle. Je vais vous mettre des musiques reproduites dans les pro, dans le studio de prod de fun en version paix, avec des paix, des proutes, d'accord? Mais avec le bon air, avec l'air de la musique. Il faut découvrir le nom original du chanteur, du groupe, peu importe, d'accord? Okay. Quand vous avez la bonne réponse, avant de donner la réponse, vous devez crier votre prénom. Non. Ok. Ah, ok. Ouais. Oh là, c'est dur. Si vous donnez la bonne réponse sans donner votre prénom, ce ne sera pas valide. Ce qui veut dire que celui qui aura oublié ce que je viens de dire, vous allez de toute façon l'oublier. Ça va vous embrouiller. Ok, okay. On okay. écoute le premier. Okay. Vous êtes prêts? Okay. C'est pas Joël. Si tu n'as pas de réponse, oui. Ne parle pas. Ah bon. Ça voilà. Va. Parce que je la vois. Oh, je trouve pas. Oh, c'est compliqué. Oh, j'arrive pas. On y va. C'est prêt? Ouais, je vais essayer, hein. C'est parti, bon, premier. Mais vraiment nul, hein. Vous chantez quand même. Premier extrait. Ah merde. Je sais, ça me dit quelque chose. Alors, c'est un artiste fun radio pour le coup. Léo, ah. Allez le doux là. Léo. Johan. Johan qui? Martin Solveig, c'est une mauvaise réponse, c'est pas ça, non. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vous le remets. Maëva. David Guetta. Ouais. Bon, David Guetta, c'est une bonne réponse. Un point pour les filles. Yes. Deuxième extrait, grâce à Maëva quand même, malgré tout. Et Joël dit, ah oui, je savais pas, on m'a pas entendu, j'ai dit mon prénom. Mais non, mais j'ai hésité, quoi, j'étais pas sûr. Oui, oui, bon, deuxième extrait, vous êtes prêts? C'est le GSM. C'est le GSM, ça doit être ça, elle entend pas bien. Deuxième extrait, vous êtes prêts? Ouais. Allez. C'est court, hein. Il dit c'est court alors que l'extrait est pas fini. Alors, c'est un duo. toujours un artiste Fun Radio. Maëva. Flavel et Neto. Flavel et Neto, non, c'est pas la bonne réponse. Léo. Magic System. Non. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, Maëva. Martin Garrix. Non plus, c'est un duo toujours. Et attention, je vous donne un indice encore une fois, mais ne trichez pas car Toff guette. Je surveille. Pas d'idée, je vous le remets. Attendez. Moi, j'avoue que c'est hard. Hein. Bon, je vous donne un indice. Johan. Macklemore et Ryan Lewis. Non, pas du tout. Je vous donne un indice. C'est de nouveau David Guetta, mais en featuring avec quelqu'un. David Guetta et Maëva. Maëva. David Guetta et Showtech. Mauvaise réponse. Je suis Léo. Oui, Léo. Ah oui, c'est Léo. Bad. Qui ça? Bad. Bad, non, ça c'était avec Showtech, pas ça, non. Non, pas d'autre réponse. Ah, merde. Au pire, il y a même sur Bad qui repasse encore un coup. Johan, vas-y. Il y a même tu repasses encore un coup, hein. Oui, bien sûr, si tu veux. Allez, vas-y. Oui. Johan. Avec David Guetta, avec Chris Smith. Avec qui? Chris Smith. Non, c'est pas ça, non. Bon, eh ben, je vais vous mettre l'extrait. Hein. C'était avec Kelly Rowland. Bon, alors attention, pour l'instant ça ne fait qu'un point pour les filles. Extrait suivant, c'est parti. Alors, une idée ou pas? Non. C'est toujours David Guetta, mais en featuring avec qui? Oh, c'est pas Michael. Maëva. Oui, elle a raison. C'est ça. Elle a pas donné sa réponse. Léo. Maëva, d'abord la réponse. Oh my god. Maëva. Ouais, David Guetta et Showtech. Et Showtech, non, mais il y a un moment, ça sera bon, hein, Maëva. Vas-y, Léo. Bad. Non, il y a un moment, ça sera bon aussi, Léo. C'est pas bad. Non, alors, vous avez pas d'idée? C'est un groupe américain. On passe un coup. Bon, je vous le remets. C'est facile. Pensez à Will.i.am. Ils ont trouvé sur Twitter. Ah oui, sur Twitter, ils ont trouvé, ouais. Alors, pas d'idée? Oh, vous n'êtes pas bon ce soir. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes très mauvais. Bon, c'était David Guetta et Black Eyed Peas. Mickaël. Oh là, Mickaël. Ouais, Léo. Est-ce que tu peux passer des musiques, mais tu vois, qui passent en ce moment sur Fun Radio? Bah non, c'est le concept là, c'est qu'on fait les morceaux de David Guetta. Ah, que David Guetta? Là, c'est du David Guetta, ouais. Alors attention, extrait suivant. C'est encore une fois David Guetta, mais avec qui? Oh. Léo. Maëva. Léo. Non, j'ai dit non. J'ai dit Malva aussi, Léo. Oui. C'est quoi la réponse que tu veux dire? Malva. C'est bad. C'est bad, non, mais NC4, ça va y arriver. Maëva. Maëva. Ça peut être que lui. Non, mais c'est ce que j'allais dire aussi. Ça peut être que lui. Merci, ma belle. Ouais, c'est David Guetta, oui, on le sait ça. Bon, personne n'a la bonne réponse, oui. C'est avec Flo Rida. Avec Club Can Handle Me. Oh putain, on souffre là. Alors attention, dernier extrait, écoutez bien, pour l'instant c'est toujours un seul point pour les filles, écoutez. Léo. C'est bad. Non, on veut le nom du chanteur. Enfin, on veut le nom. C'est David Guetta qui chante avec qui? Maëva. David Guetta. Maëva. C'est à David Guetta. David Guetta et qui? Ah, je sais plus ce nom. C'est David. Johan. Attends. Joël. Ah, oui. C'est David Guetta et qui? Mais c'est à David. Je sais plus comment c'est son nom, mon petit va. Johan. Non mais Maëva, c'est David et David Guetta. Voilà, c'est David et Johan, Guetta. Johan. Bon, non mais vous emballez pas, Maëva avait la bonne réponse. David Guetta et Showtech. Oh putain, oh, ce jeu m'a fatigué. Je suis épuisé. Ah, on a joué avec des stars. J'en retire une. Mais moi, vous avez appelé. Bon, bah, c'est pas vrai. Bravo les filles. Non mais ouais, non, tu t'osais. Bon, fais pas de banco, tu perds beaucoup. Non, non, non, non, elle m'a beaucoup aidé, hein. Oui, oui, bah, heureusement, ça, Vincent, t'as rien foutu, je vais la part parler dans le vide. Moi, je connais ce que bon, dis, pas la fin. Au revoir, je vous embrasse, je vous aime tous. Ah, ça fait je suis désolé, mais j'avais envie, là. Oh putain. Oh là là. Oh, désolé, c'est là qui voulait faire des dédicaces. Elle m'a franchement, tué je peux plus, la tête. J'ai mal au crâne, là. Et tu sais, j'ai la veine, une veine sur le côté, ah ouais, qui tape. Tu la vois, ouais, je la vois, elle va éclater, là. Ça veut dire que, en fait, je suis en sous-pression. Il va nous faire un AVC, là, Polo. Je peux plus, là. Heureusement, on va se détendre avec Anthony dans quelques minutes. Ah. Et puis, on va prendre Chris Dilek également pour parler de jeux vidéo. Il y aura Cyril qui voulait réagir par rapport à Bader. Et on va s'écouter Tioro là avec Bad, David Guetta, avec Kelly Rowland, Black Eyed Peas. Ce sera Club Can Handle Me, I Got a Feeling, When Love Takes Over, Love Is Gone, Bad. Et puis 5 Hours, tout mélangé. Le son de Dioro à l'instant sur Fun, c'était 5 Hours. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Ah non. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et pourtant, on aurait pu se barrer en courant. Oh là là, on aurait pu fermer la boutique en disant bon les mecs, désolé mais d'ailleurs, on arrête. D'ailleurs, Top s'est barré, il a pris ses bagages, ouais. Et il a changé de pays. On arrête direct là, ouais. C'était plus possible. Joël a eu, l'a eu. Ah, grave. Il y a Audrey qui dit Mickaël, tu gères, je te kiffe. Merci Audrey, gros bisous à toi. On va parler des jeux vidéo aussi dans quelques minutes, donc restez là. Et puis je vous disais qu'on avait eu Anthony pour ceux qui n'avaient pas entendu la dernière fois là. Ah, l'info. Non, faut juste que j'explique ce qui se passe au standard. Parce que... qu'il y a bah donc, parce qu'il y a, donc, il y a Sandro qui essaye de prendre l'adresse de Joël. Ouais. Et donc, depuis donc, tout le disque, elle a pris le nom et les trois premières lettres de la rue. Eh ben, à la bonne heure. Eh ben, d'ici 2h du matin, on aura fini, c'est ça qui est bien. Bon, donc je disais Anthony qui est passé, qui était sur ses chiottes là. Hein, il était en train de faire caca dans ses toilettes pendant qu'il passait à l'antenne, c'était très classe. Eh ben, on l'avait eu la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était quand même un grand moment, hein, puisque bah on va tout vous réexpliquer là. Alors écoutez, c'était juste épique. C'est nickel. Comment ça? Encore Anthony de Charleroi? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive cette fois? Bah il y a un gros problème. Ah, encore? Bah ça faisait longtemps. Alors, parce que les dernières fois c'était pas très grave. Ouais. On se doute que tu as un gros problème. Hein. Voilà, ouais. Bon, qu'est-ce qui va pas Anthony? De quoi on va parler avec toi? Ben, il y a une fille qui n'a pas de m'ennuyer, qui est amoureuse de moi, mais moi, je n'aime non. pas. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Oui. Bon, on peut l'appeler. Ouais, elle est comment? Bah, elle est jolie. Ah, bah, vas-y, donne le numéro, je vais m'occuper d'elle. Non, mais attends, mais quel est le problème si elle est jolie? Ben, le problème, c'est que je n'aime pas depuis la... Le pire, c'est qu'elle connaît mon ex, donc... Ah mais bah, oui, mais profites-en, ça t'arrivera pas deux fois, peut-être, hein? Mais je n'aime pas, et quand je tombe sur mon ex, ça me fait du mal. Bah, et alors, si c'est ton ex, c'est ton ex? Non mais elle pourrait être jalouse et tout, elle pourrait casser avec donc... Attends, elle pourrait casser avec qui? Avec ma fille qui est mal. Je comprends, ouais. Bon alors attends, on va essayer de résumer, Donc là, toi t'es toi. Oui. Bon, Anthony est Anthony, ok? Il est là, il est chez lui, tout va bien. Ouais. Polo et Polo. Voilà, Toff et Toff, et moi je suis moi. Mickaël et Mickaël. Voilà. Bon, fut un temps, tu es sorti avec, comment s'appelle ton ex? Madeline. Attends, je note. Bon, fut un temps, tu es sorti avec Charlotte. Voilà, on va l'appeler Charlotte, hein, parce que Mazeline, je ne connais pas. Donc, tu es sorti avec ton ex, ok? Oui. C'est fini? Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Charlotte, okay, bon. Madeline. Voilà. Aujourd'hui, il y a une meuf mec qui vient de voir et qui est intéressée par toi. Comment elle s'appelle? Oui. Comment elle s'appelle? Sabrina. Sabrina. Alors, c'est de Sabrina, tu précises qu'elle est jolie. Deux secondes, veux bouffer. Oui. Voilà. D'Anthony. Mais que toi, tu n'en veux pas parce que tu as peur que ton ex tombe sur votre histoire. Oui. Et que du coup, ça casse quoi? Alors attends, je fais... Mais le problème, c'est que je suis gay et t'es gay? Pas, oui. Ah bah il fallait commencer par là. Oui, mais comment ça se fait que ton ex, elle s'appelle Charlotte alors? Ben, j'aime bien les deux, quoi. Ah, t'aimes bien les deux? Mais alors, t'es pas gay? Bon, t'es pas gay, t'es bi alors? Ou hétéro-curieux? Mais à un moment, tu peux pas tout être en même temps, quoi, tu vois. Bon, mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis black. Ah bon? Bah alors, je comprends pas. Non, enfin, je suis blanc aussi, mais en été, je suis tout quand monde, je suis beurre aussi, tu vois. C'est voilà. Non, mais attends, Anthony, il faut être sérieux là. On comprend pas là. Le problème, c'est que je suis un peu plus pour les garçons, mais pas pour les filles. Tu es un peu plus pour. Donc, t'es gay. Voilà. Et mais ça, donc, t'es bi ou t'es gay? Gay. Et donc, t'as cassé avec Charlotte, qui en réalité s'appelle Madeleine, parce que t'es gay. Voilà. Mais qui en réalité s'appelait Robert. Voilà. Voilà. T'es pas bi. Non. T'es gay. Oui. Mais t'es deux secondes, t'as dit que t'aimais bien les deux. Ouais, mais bon. Bon, Anthony, on va appeler ton ex là maintenant pour lui dire que t'es gay, hein, c'est ça? D'accord. Bon, comme ça, bah c'est toi qui demande, hein? Bah oui. Ah oui, non, bah parce que comme t'as dit, bon, d'accord, joueur, dis donc. Bon, allez, on l'appelle, vas-y, Anthony. Attention. Bonjour. Ah bah, vous êtes en contact avec parfait. La boîte à messages. Bah écoute, voilà, Anthony, le message est passé, hein. Ouais. Bah voilà. Anthony, tu fais quoi comme métier? Croque-mort? Non, je suis aux études. Ah, t'es aux études? Tu fais quoi aux études? Tu fais quoi, ouais? Service aux personnes, nettoyage, repas, couturier, ah oui. Tout ça. C'est vrai. Juste, ça vient, le franc vient de tomber de polo que tu lui avais déjà dit. Bon, bah écoute, Anthony, est-ce que tu veux qu'on. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi qui voulais nettoyer des pierres tombales? Si. Ah, ouais. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Non, parce que Polo avait trouvé ça drôle. Enfin, pas drôle, mais original de vouloir nettoyer des pierres tombales. Parce que pour le coup, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait en faire son métier. D'ailleurs, je savais pas que ça existait. Enfin, tu sais, je pensais que c'était celui qui s'occupait du cimetière qui le faisait en même temps. Tu vois, je savais pas qu'il y avait un métier spécial pour ça. Mais Best est mort, il voulait faire ça quand il était petit, non? Ah, bah, ouais. Grave, bien sûr. Ah, moi, je voulais baiser sur des tombes. Non, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Bon, Anthony. Oui. Bon, tu veux qu'on laisse un message sur le répondeur ton ex ou on rappelle un autre jour? Bah, on va le faire maintenant. Comme ça. Moi, je trouve que tu pourrais lui faire une pierre tombale gratuite quand même. Ouais, bon, enfin bon, c'est peut-être pas son heure. Hein. Bon, ah écoute, oui, on rappelle. Bon, vas-y, Anthony, tu lui laisses le message. Bonjour. Va droit au but, d'accord? Vous êtes en contact avec la boîte message de. Bon, très bien. Deux. Enregistrez votre message après le signal sonore. Vas-y, hein, droit au pour but. Terminer, hein. Il suffit de raccrocher. Sois un homme. Merci. Sois violent, hein, agressif, on s'en fout. Ouais, c'est moi, c'est pour te dire, j'aimerais bien que tu me foutes la paix, je suis gay, je t'ai déjà dit, moi je t'aime pas, alors laisse-moi tranquille, sinon je change de numéro et je porte plainte. Voilà, bisous. Ah, après, était-ce utile de terminer par bisous? Ouais. En gros, c'est comme. Alors, c'est un peu comme si t'as un mec qui arrive dans une banque pour la braquer, il arrive avec les flingues, la cagoule, tout le bordel, il braque, vas-y, donne-moi le tiroir caisse, enculé, là, ramène l'argent. Et puis, quand il a tout fait, tu sais, le mec il lève la cagoule pour lui faire la bise. Bon, et merci beaucoup. Merci, bon, on se refait ça quand tu veux. Hein. Tu sais, il prend un peu de bave, il lui essuie une petite saleté sur le ouais, front. Et il lui c'est laisse pareil. Un cheveu pour l'ADN. Tu vois, c'était peut-être pas nécessaire le bisou à la fin. Ouais, je suis pas fort pour machin de drague. Attends, on va rappeler, tu vas refaire le message parce que celui-là était pas terrible. Ouais, dis-lui, écoute, désolé pour le bisou, mais ouais. Je reprends mon bisou. Ouais, dis-lui, non, il faut que les choses soient claires. Donc on rappelle, d'accord. Et dis-lui baisse tes morts à la fin. Voilà, donc exactement. Tu lui répètes la même chose et puis tu termines à la fin, tu mets pas bisou, tu dis baisse tes morts, tu dis un truc violent quoi, d'accord? D'accord. Bon, ouais, allez, un truc hop. Bien crade. Allez, on y retourne, Anthony, là. Et mais sois pas bon. Être trop crade. Et ta voix vous un peu plus. Un peu viril, quoi. Un peu plus viril, un peu plus violente, hein, d'accord? On sait que d'accord. T'es gay, mais il faut pas que ça se sente. Bon, allez, vas-y. Enregistrez votre message. Après agressif, le signal là. Sonore. Agressif. Allez. Pour terminer, allez. Il suffit de raccrocher. Allez. Merci et au revoir. Ouais, c'est encore moi, c'est pour te dire, je me laisse tranquille, je t'aime plus. Moi, je suis gay, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu comprends pas, donc, voilà. Moi, je t'aime pas, donc, je reprends mon bisou et oublie-moi, sinon moi je t'ai oublié, donc oublie mon numéro et comme ça on parle plus. Au revoir. Adieu. Mais non, t'as oublié Best pas mort. Au revoir, mais il fallait dire Best est mort. Best est mort. Merde, on recommence. Il t'a oublié Best est mort, mais c'était pas mal. Et c'était mieux, mais il faut pas dire au revoir. Quand il y a un mec qui va braquer une banque, il dit pas merci beaucoup, au revoir monsieur, hein. À la prochaine. On s'appelle pour le café. Voilà, non, t'es agressif mec, t'en as rien à foutre, t'as quelque chose à foutre. Et ouais. Hein? Ah ouais, moi je suis pas fort pour draguer. Mais justement, c'est pour ça qu'on est là, on est là pour t'aider, on n'est pas là pour t'enfoncer. Hein? Oui, mais bon, moi je suis pas fort. Bah, c'est pour ça, et je viens de te dire que c'est pour ça on est là pour t'aider. Oui. Ok? D'accord. Et oublie pas, Best est mort. Bon, il faut impérativement le terminer à la fin là, parce que c'est ça qui fait que le truc passe ou casse, tu vois. D'accord. Ok? Ouais. Allez, on recommence. Bon, alors, attends, faisons une imaginons, hop, répondeur. Beep. Ouais, c'est moi, c'est pour te dire de me laisser tranquille, moi je t'aime pas. Donc oublie mon numéro, moi c'est déjà fait. Ben c'est mort. Salut. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas de salut à la fin. Y a pas de salut et surtout le problème c'est que t'as zappé tout le début. C'est-à-dire que tu dis ouais je t'aime pas mais on sait pas pourquoi. Enfin autant tu expliquais plus en détail au début et après t'as oublié le best est mort, c'est pas très grave. Autant là t'as bien mis le best est mort. Ouais. Mais on a pas compris le début. Ok. D'accord. On recommence. On refait pour du beurre. Ok. D'accord. Allez. Hop. Agressif. Voilà, agressif. Voilà, violent. Voilà. Passe-toi les couilles. Allez. Pip. Ouais, c'est moi, c'est Anthony, c'est pour te dire de me laisser tranquille. Je t'ai déjà dit 100 fois que j'étais gay, donc oublie mon numéro, moi c'est fait. Et ne m'ennuie plus par message. Ben, c'est mort. Bravo, c'était pas mal. Bon, c'était pas mal. C'est mieux. Je pense qu'on peut passer en conditions réelles. Non, tu crois encore. Mais j'offre peut-être une dernière. Allez, une dernière pour être sûr, t'as raison. Une petite dernière parce qu'on sait jamais. Allez. Alors, attention, une petite dernière, mais c'était bien. On s'était bien, c'est juste pour être sûr. Pip. Ouais, c'est moi, Anthony, c'est pour te dire de me laisser tranquille. Moi, je suis gay, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu comprends pas, donc moi, je m'en fous de tes messages, je te répondrai plus. Donc, je suis gay, et oublie mon numéro, moi, c'est déjà fait. Ben, c'est mort. Voilà. Attends, ouais, est-ce que tu veux pas... C'est pas attends, mal, ça. Non, moi, j'aimerais bien qu'il essaie avec la voix du parrain. Attends. Va-tu enculer, ben, c'est mort. Ouais. Tu sais, avec une voix un peu mafieuse. Ouais. Tu sais faire ça ou pas, Anthony pas. T'arrives pas à faire pas. Ça Mais tu sais, genre, c'est bonjour. Tu vois, un petit peu avec dangereux, l'accent quoi. Italien. C'est Anthony, bonsoir. Tu peux pas faire ça ? J'ai essayé, mais je promets pas. Alors, en plus, si tu mets la musique, peut-être que ça va passer mieux. Ouais, ça va te motiver. Attends, mets-toi essaye. Mets-toi en situation. En 1920. Voilà, imagine t'es en Sicile, c'est la mafia, le parrain, tout le monde est là. Tu l'appelles et tu dis, écoute-moi bien. Et elle, c'est le parrain de l'autre mafia. Voilà, tu dis, écoute-moi bien. Je voulais te dire que c'est terminé dorénavant entre nous. Je suis gay. Ok, je ne t'aime pas. Best des morts. Tu vois, tu fais comme ça. J'ai essayé, mais je promets pas. Non, attends. T'es un gagnant ou t'es pas un gagnant? T'es un croque-mort ou t'es pas un croque-mort? Hein? Voilà, ouais, mais. Un gagnant. Eh ben alors, vas-y. Un gagnant. Allez, alors, vas-y. C'est parti. Je te mets même une petite musique un peu plus douce. C'est ma mandoline. Ah oui, merde, pardon, excuse-moi. Non, mais si, je vais. Mais attends, ma mandoline, elle est là. Quoi. Oui, mais j'oublie de faire le bip. Ah, du coup, il démarrait pas. Attention, on imagine encore. Attends, hein. Je me mouille les lèvres. Attention, on y va. Bip. Ouais, salut, c'est Anthony. J'aimerais bien que tu. Je suis gay, donc j'aimerais bien que tu m'oublies. Voilà quoi. Mais c'est mort et voilà. C'était parfait. C'était parfait. Eh ben écoute, Anthony, on va pouvoir y aller. On peut y aller, là, t'es bon. Là t'es on chaud. On fait la condition réelle, d'accord? D'accord. Bah c'est la dernière, hein, tu peux pas te rater. Hein. Allez, on y va. Hein. Je suis un peu en stress quand même. Moi aussi. Tu le sens bien, Anthony, ou tu veux refaire un petit coup? Non mais attends, ça c'est du hautbois, ça. Ouais, je suis bien. Je sais pas, je suis bienvenue chez Tony et Tony Pizzeria. Bon. Très bien, c'est bon? Ça va, j'ai géré, t'inquiète pas. Allez, c'est parfait, on y c'est va. C'est qui nous fait peur. Eh ben, c'est parti, on y va, Anthony, là, vas-y. Hein. Dès qu'il y a le bip, moi je démarre la vous musique. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de... C'est très bien. Voilà. Enregistrez votre message après le signal sonore. Trop paillasse pour mettre un truc. Pour terminer, vas-y. Il suffit de raccrocher. Merci et au revoir. Ouais, c'est Anthony, c'est pour te dire que je suis gay, que j'ai été enfant, mais tu comprends pas, donc j'aimerais bien que tu oublies mon numéro. Moi, c'est déjà fait. Si tu comprends pas, bah, tant pis pour toi. Moi, je suis déjà gay, donc il y a quelqu'un. Et voilà, et ben, c'est mort aussi. Va te reculer, ben, c'est mort. Mais non mais c'est quoi ce truc là? Comme disait quelqu'un, comme aussi. Disait qui? Non c'est toi mec, c'est toi le chef, c'est toi le mafieux, c'est toi c'est le toi, c'est toi qui Corleone. Bon allez on recommence une dernière fois. Écoute, une dernière mais il faut une bombe maintenant dessus, là. Et plus gras la voix. Un peu plus grasse la voix. Et puis surtout, c'est toi, tu parles en ton nom, il n'y a pas de comme on m'a dit, là, comme je t'ai dit, il n'y a personne nous. T'es toi, et alors il y a toi. En fait, c'est un peu un duel. Tu non, vois lui un peu. Dis pas tais-toi parce qu'il va pas, il va non, pas non, parler. Il y a que toi. Un peu comme les westerns. Tu vois, il y a les deux, cowboys. Ouais. Ils ont le flingue. Ils ont la main sur le flingue. Là, ouais. Le premier qui sort, poum, il tire. Ok. Ah, Toff est mort. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est un. Ah bon. Un accident. Bête. Bon. Ok. Ok. La même chose, mais tu dis, écoute. Moi, je suis gay, je ne veux pas de toi. Il faut que tu le comprennes. Alors, best est mort et pff, tu raccroches. Ok. D'accord. Mais tu raccroches mais vraiment. Mais il faut vraiment raccrocher parce qu'on doit entendre le. Tu vois, il faut qu'on entende le raccrochage. Voilà, faut que tu il faut quoi. Entendre le téléphone, d'accord. D'accord. Bon, je compte sur toi, hein. Tu vas pas nous décevoir, hein. Non. Bon, allez, c'est parti, on quand y va. Quand t'as dit baisse t'es mort, tu appuies sur le bouton rouge de ton téléphone. Voilà, ou t'appelles avec un téléphone portable ou avec un téléphone avec un fil? Portable. Portable, ouais. Va très bien. Bon, bah, tu raccroches quand t'as dit, eh ben, baisse t'es mort, et pff, tu raccroches, d'accord? D'accord. C'est pour qu'on sente, pour qu'elle sente qui a les couilles, tu vois, ouais, je veux toi. Dire. Qu'elle sache, c'est toi le patron. Problème. Bon, allez, c'est parti. Le parrain. Allez, vas-y, merde, on n'est pas. Allez, vas-y. Bonjour. La musique, elle est là. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de. Chaque fois, j'espère que quelqu'un va répondre. Mais non. Enregistrez votre message après le signal sonore. Pour terminer, il allez. Suffit de raccrocher. Vas-y, mec. Merci et au revoir. Ouais, c'est Anthony, j'aimerais bien que tu me laisses tranquille. Moi, je suis gay, je ne veux pas de toi, je t'aime pas. Donc, oublie mon numéro et voilà, et ben c'est mort. Et il est parti. Et il était parti, effectivement. Voilà. Donc c'était le moment quel avec Anthony. Ouf, putain. Ouf. Et franchement, il était mort de rire dans le studio. Nous aussi, en réécoutant le bordel là, quand même. Oh là là. Valo qui dit putain des barres de rire avec Anthony. Vous êtes vraiment des grands fadas. Il y a Ma aussi sur le Twitter. Vous êtes des enfoirés. Christophe qui dit bonjour. Bisous, pardon. Mais non. Grégory aussi. Je rigole tellement que j'en chiale. Il y a Jojo qui dit gros moment que le passage d'Anthony. Mister Steven aussi. Cette image avec le cambrioleur était énorme. Mais oui, mais c'est tellement ça quoi. C'est tellement ça. Et Christophe qui dit mort de rire. Et tu dis pour le nettoyage, c'est celui qui nettoie les bons et tombe. Et alors, hétéro curieux pour Secret Key. Bon, bah voilà, donc Anthony, c'était ça. Si vous l'aviez raté, vous avez donc raté un grand moment. Quand on ouais. vous dit qu'à chaque fois, vous ratez des grands moments si vous écoutez pas Fun, là, on vous raconte pas des conneries, c'est vraiment vrai. Voilà. Bon, on va donc dans quelques minutes se faire le dernier. Appel malveillant. Le dernier appel malveillant, effectivement, avec Toff, hein, toujours pour parler de cette grande enquête. Hein, 75% des femmes. N'aime pas le cuni, et c'est scandaleux, c'est honteux. Tout à fait. Et ben on va en parler juste après le son de Avicii maintenant sur Fun Radio. Il est 9h35. C'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat. On écoute Avicii, Lay Me Down, les appels malveillants de Toff. C'est juste après ça sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. L'excellent son d'Avicii, c'est Lay Me Down sur Fun Radio. Restez là, on revient dans pile poil 30 secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Le 11 tube non-stop. Fun Radio. À tout moment de la journée. Fun Radio vous joue 11 tubes non-stop. 11 tubes non-stop. Repérez les 11 stars que Fun Radio vous joue à la suite dans le 11 tube non-stop. Et gagnez la saison 3 de Soda avec Kev Adams. C'est le 11 tube non-stop sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Il fait nuit. Vous vous dites que c'est agréable de rouler seul sur cette départementale qui traverse un petit village. Si petit que vous vous accordez de rouler à 90. Ce que vous oubliez, c'est qu'il vous faudra 42 mètres de plus qu'à 50 pour vous arrêter. 42 mètres de trop pour éviter cette voiture transportant un couple et qui ralentit fortement devant vous. À cause de cet oubli, la femme devra nourrir toute sa vie un mari incapable de la reconnaître. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Oh, je vous avais dit que ça allait pas durer longtemps. Ça y est, c'est fait, c'est plié. Il est 1h41 sur Fun Radio. On se fait les derniers appels malveillants avec Toff. On récupère comme promis Bader, Cyril, Chris et Dilek. Et puis bah c'est parti. Donc hein, 75% des femmes apparemment n'aiment pas le cunnilingus. Mais c'est honteux. Nous sommes partis vérifier grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allons-y. Eh ben c'est parti. Hop là, qu'est-ce que ce bordel là? Ah oui, c'est Fancy qu'on écoutera tout à l'heure. Tiens, bah c'est celui-là, tiens. I'm so fancy. Voilà, on le passera tout à l'heure avant de partir, hein, vous inquiétez pas. En attendant, on se fait les derniers appels là. Hop là, c'est parti. Fancy, tu restes là. Et puis c'est parti pour le dernier appel là. Iggy Azalea à suivre. Ouais. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aimiez le cuni, madame. Pardon ? Non, je dis, je voulais savoir si vous aimiez le cuni. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, c'est quand votre mari vous broute la chatte, madame. Ouais, ouais, c'est tout ce que vous avez à faire ? Bah, oui. Sauf quand, bah. Oh non, madame, non. Pourquoi vous me dites ça ? Oh, attends, on va le rappeler. Ah oui. Bah oui, encore un petit coup, là. Hop. Nous revoilà. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui, mais apparemment, t'as un petit problème, mon pote. Tu veux que je te retrouve quelque part? Non, monsieur, j'ai pas de problème. Je voulais juste savoir si votre femme aimait le cuni, monsieur. Non, mais est-ce que tu veux que je te retrouve quelque part pour te soigner tout de suite? Mais je vois pas pourquoi vous voulez me soigner, monsieur. Tout non, mais bien. Écoute-moi, tu veux parler à ma femme? Tu veux me parler à moi? Espèce de petite tapette que tu es. Tu veux que je te retrouve quelque part? Moi je suis à Paris, monsieur, mais je vois pas pourquoi vous voulez qu'on se retrouve, monsieur. Mais non, pas. Parce que j'ai l'impression que tu veux mal parler à ma femme, alors parle-moi mal à moi. Tu veux qu'on se retrouve quelque part, dis-le-moi tout de suite. Mais pas du tout, monsieur, je veux juste savoir si votre femme aime que vous lui fassiez des cunis. Mais je te demande pas, moi je te demande si tu veux qu'on se trouve quelque part. Tu me dis oui ou non et tu me dis où, et je viens. Moi je suis à Paris, monsieur, vous venez quand tu es à vous Paris, voulez. Alors va te faire taper, espèce de pédale. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil. Non, mais vas-y, va, espèce de con de français de merde. Hein. Oh non, monsieur, mais enfin, c'est pas gentil ce que vous me dites. Mais je te le dis, moi, tu es un con de français. Oh non, espèce monsieur, de non. Fiasse que tu es. Oh non. Non, et bien alors, si tu veux, prends un billet d'avion, viens me trouver, parce que moi, je n'irai pas gaspiller des sous pour des mecs comme toi. Mais viens, puis je vais te faire que... Tu vas voir ce que je vais te faire. Mais vous voulez pas plutôt répondre bon, à ma question? Bon, maintenant, je t'emmerde, t'as compris? Bah oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Non, ça, et moi, je te réponds à ta question. Maintenant, me casse plus les bonbons, hein. Ben oui, mais répondez à ma question, que alors, si monsieur. Si tu veux me téléphoner, n'appelle pas d'un numéro masqué. Que je sache à qui j'ai affaire. Ben, je vous donne mon numéro, si vous voulez, monsieur, y a pas de problème. Eh ben, donne-le-moi ton numéro, tiens. Alors, c'est 01... Attends, une seconde. Oui. 01... Oui. 42... 010... Non, 01, 42... Oui. 48... Oui. 50... Oui. 00. 00. Voilà, c'est ça. Bon, non, mais c'est savoir d'où tu sors. Oui. Mais par contre, vous voulez pas répondre à ma question avant, monsieur? Non, elle aime pas. Ah, elle aime pas ça. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, monsieur. Voilà. Mais ça te convient? C'est bon, maintenant casse-toi. Tu m'emmerdes. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Oui, au revoir. Eh ben voilà, on y est là, on est parfait, on est au taquet. Tout ça pour répondre, quoi. Enculé de français de merde. Pourtant, sur son passeport et carte d'identité, il marquait France, non? Pas sûr. Ouais, mais en même temps, il s'est un con, Tof. Oui, c'est vrai. Tu veux pas reprocher quelqu'un d'insulter Tof. Et il est pas français. En plus. Et qui plus est, par-dessus le marché. Mais par contre, je suis une tapette. Oui, ça c'est vrai. Bader également qui est de retour, là, qui est un homme soumis. Et Cyril qui voulait réagir de tour. Cyril, t'es là? Oui. Ça va? Oui, toi. Très bien, Cyril. Bienvenue à toi. Alors, tu veux donner quoi comme avis, toi, sur les hommes soumis? Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi, j'arrivais pas trop à comprendre son état d'esprit parce que j'ai jamais connu à être soumis parce que je ne peux pas. J'y arrive pas, en fait. D'accord. J'y arrive pas, tout simplement parce que pour moi, que si je laisse la femme me soumettre quelque part, pour moi, c'est prendre de plus en plus d'assurance au fur et à mesure du coup. Et qu'à la finale, arriver à 40 ans, à porte la culotte, quoi. Et ça, c'est une chose que moi, je Bah évidemment, pas... il faut pas se laisser mener par le bout du nez. Tu aimerais pas un petit go de ceinture? Non, merci. Enfin, recevoir un petit go de ceinture de la part de ta copine, je veux dire. Non, ça, c'est pas quelque chose qui me branche. Chérie, petit cadeau, tiens, petit go de ceinture. Hop là. Et hop, je te fourre au milieu des fesses. Voilà, par exemple. Personnellement, c'est le seul endroit où je suis puceau. Oui, oui, ça, comme beaucoup. Quoique toi, file les plus, à mon avis. Hein. Non, mais bon, faut pas le dire. Puceau du fion. Oh non. Ah bon, ça fait longtemps que je me suis fait ramener. Ouais, c'est ça. Bon, ah merde, j'avais perdu Bader. Bon, c'est pas grave en tout cas. Merci à toi, Bader, d'avoir appelé. Et puis, Cyril, merci à toi aussi d'avoir appelé. Hein. Y a pas de problème. Et tu reviens quand tu veux. Salut, Cyril. Y a pas de soucis. Salut, ciao. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Il y a un message de Philippe de Toulouse qui dit: je ne respire plus, y a Bader. Oh là là. Putain, vous êtes passé le mot là ce soir, comment ça se passe? Vous êtes pas sérieux. Il y a Jacques qui dit: bonsoir la team, je suis arrivé tard là, des news de Pierre Danger, je crois qu'il s'est fait griller par sa femme hier soir pour ses plans à 3 avec son pote Kamel. Ah bah oui, on a eu sa femme au téléphone tout à l'heure en début d'émission, on a eu Pierre, sa femme qui était quand même plutôt cool. Plutôt cool par rapport à la situation. Pierre qui a été plutôt con par rapport à la situation. Il aurait dû profiter que sa femme soit plutôt gentille en fait, hein, parce qu'elle était quand même... Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui débarquent, donc le mec appelle hier avec son pote Kamel en disant: ouais, bon, allez, ce soir on va aller baiser des meufs, on va faire des plans à 3 parce que ça nous arrive souvent là avec Kamel. Et donc voilà, il y a une petite là qui nous attend, donc on va aller la faire, on va aller se la faire quoi, voilà. Bon, moi je suis maqué, j'ai une petite fille et tout, mais bon voilà. Un quart d'heure après, hop, sa femme nous envoie un message en disant que c'est un enculé, qu'elle va le tuer, etc., etc. On a sa femme au téléphone qui était forcément un peu triste. On la récupère ce soir, ainsi que Pierre. Là, sa femme est quand même plutôt open puisqu'elle dit bon bah non mais on va discuter et puis on verra, j'attends qu'il arrive et lui lui s'en branle. Ouais. Voilà, c'est donc il dit oui, c'est vrai, je suis un con mais bon voilà. Et donc je dis mais t'as entendu le moment où il est passé à l'antenne, t'avais pas encore baisé la femme? Ah non non, et t'as été la baiser? Bah oui. Bah oui, qui t'a fait engueuler. Voilà, j'allais prendre pareil que je la baise ou pas, donc tant qu'à faire autant y aller hein. C'est nul. Bon bah vu comme ça hein, qu'est-ce que je te dise moi. Donc voilà l'histoire en gros pour ceux qui n'étaient pas restés avec nous. Chris est avec nous également maintenant de Dinan. Salut Chris. Ouais, ça va. Ça va et toi? Ah bah nickel, depuis l'autre jour. Bon bah écoute, tant mieux alors, nous aussi on va plutôt bien depuis l'autre jour. Alors, ouais. Tu voulais réagir par rapport aux jeux vidéo toi, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Alors moi, bah personnellement, depuis que j'ai testé Watch Dog, Watch Dog. C'est quoi lequel? Watch Dog. Ah, Watch Dog, d'accord, ok, très bien. Ouais. Et y a quoi dans le... Parce que nous on n'a pas pu le tester, on n'a pas pu l'essayer, non, on n'a pas rien faire. On a une pochette vide. Voilà. Mais c'est... Franchement sur PS3, pas mal, mais bon, beaucoup de bugs graphiques. Ouais. Et sur PS4, pardon, une vraie tuerie. Et sur PS4 quoi? Une vraie tuerie, d'accord, j'avais pas compris, d'accord, ok. Bon, très bien. Et ton jeu préféré, hormis celui-là, c'est quoi? Alors, attends. Tekken, d'accord, ok. Ouais. Alors, moi j'étais Doom avant quand j'étais petit. Doom, ça c'était oui, bon ça. Doom, ah, oui, Doom, ouais. Le truc. C'était le tout premier ça. Ah oui, c'était le tout premier, mais ça c'est pour les plus connaisseurs quoi. Et ça me donnait envie de vomir les trucs comme ça. Ah ouais, à force de tourner, ouais. Ouais, c'était une horreur. Ah ouais, ça tournait, c'était violent. Attends, il y a aussi Dilek qui est avec nous de Mulhouse. Salut Dilek. Salut. Ça va hein? Et toi? Bah écoute, ouais, tranquille Dilek. Ah, une petite voix Dilek. Oui, t'as une petite voix Dilek. Alors, t'as 16 ans toi, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Pokémon. Oh là là. Mais c'est pourquoi vous voulez Pokémon. Non mais attends, mais attendez, mais vous jouez encore à Pokémon, sérieux? Bah en fait, j'ai trois frères et à l'époque, il n'y avait que Pokémon qui était bien. Ouais. Bon, maintenant, c'est plus trop ça. C'est sûr. Voilà, du coup, j'ai grandi avec ça et depuis, je m'entends qu'avec les personnes qui jugent Pokémon de mon âge, en fait. D'accord, mais il ne doit pas en rester beaucoup quand même des gens qui jouent à Pokémon et qui ont ton âge. Ouais. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, j'espère. Ouais, mais je pense que tu te trompes. Ouais, je pense aussi, ouais, effectivement. Enfin bon. Bah, en fait, et Watch Dogs, t'as déjà pas essayé, Dilek? En fait, je sais pas c'est quoi le principe. Parce que j'adore les jeux vidéo, mais. Ah oui, mais si t'adores les jeux vidéo et que t'as pas entendu parler de Watch Dogs, c'est qu'il y a un problème, hein. Ouais. Ah bah ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, oui. T'as quoi comme console, Dilek? Bah écoute, moi, j'ai mes frères qui veulent pas partager avec moi. Oh, quel bon enculé quand même. Oh, les pauvres petits. Mais oui, ah oui, quel bon de salaud alors. Hein, tu devrais te venger, Dilek, tout simplement. Je rappelle que Watch Dogs a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires en une semaine et que c'est devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Tu dis Dilek? C'est un jeu de quoi? Bah, explique-le peut-être, Chris. Hein, toi, t'as joué avec, nous, on n'a pas pu l'essayer encore. Ouais, alors en fait, c'est un jeu de plateforme RPC, quoi. Ah, mais ça veut dire. C'est quoi l'RPC? Oh. Bah, c'est des boutons quand t'as autour de la bouche. C'est l'RPC. Du coup, en fait, c'est... Ouais, enfin, un peu genre GTA, quoi. C'est un FPS ou pas? Mais quoi? C'est un RPC. Mais c'est quoi RPC? Parce que moi, je connais le FPC, c'est non, fait... Non, mais c'est un jeu genre GTA. Personal voilà, Fighter. Ah, d'accord. Voilà, okay. Comme ça, tu vois, ouais. Donc, bah voilà, bah, très bien. Bah, il faudra quand même qu'on... Monsieur Watch Dogs. Oui, si jamais vous en avez un en rab. Bah ouais. Pour essayer quoi, après on vous le rend s'il faut hein. Mais en plus il y a des mecs, je crois c'est en Australie, qui ont envoyé le jeu. Ouais. Et en fait c'est tout un coffret bon un peu bien designé et tout. Et donc les mecs ont reçu ça, ils ont flippé, ils ont cru que c'était une bombe. Et donc du coup ils ont fait vider tout le bâtiment. Non putain. Et donc les mecs du jeu, ils ont dû s'excuser et dire que ouais on est désolé et tout. Bon, s'excuser, attends, les mecs sont complètement parano, ils y peuvent rien. Non plus, mais hein. Super bien fait, c'est une boîte noire avec un code dessus, donc tu peux flipper. Ouais, t'aurais pu croire que c'était une bombe quoi. Pourquoi pas, ouais. Bon bah Dilek et Chris, merci d'avoir appelé en tout cas, vous revenez quand vous voulez les gars. Oui, il aime. Je pourrais faire une dédicace? Vas-y, profite à une personne, choisis la bonne. Non, mais à une personne. Dédicace à ta voix qui t'a quitté? Ouais, à une seule personne, Dilek, vas-y. Tous les Twitter qui t'a proposé une mission et tout. Eh ben c'est gentil, bon, on les embrasse aussi. Bah, merci beaucoup, Dilek, d'être là tous les soirs. Gros bisous, Dilek. Salut, ciao à toi. Et puis on va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. On aura également le top tweetos bien sûr. Et je l'avais promis tout à l'heure là, le son de Iggy Azalea maintenant. C'est Fancy sur Fun Radio, il est 1h52. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Le son de Iggy Azalea, c'était Fancy sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Le top tweetos dans quelques minutes est là. Le Polo Against the Rest of the World. On y va maintenant, bienvenue dans Fun Radio. Vous êtes dans Polo contre le reste dans du monde. Fun Radio. Oui, parce que nous sommes à l'intérieur. Vous êtes dans Polo contre le reste du monde. Et la seule émission, vous pouvez venir et appeler et intervenir comme vous voulez. D'ailleurs, tous les crétins ils viennent pour raconter des blagues. On commence tout de suite avec J'annonce. Polo, je te préviens, je me casse direct. Bah, c'est bien. Mais pourquoi tu me dis ça? Bah, tu sois prêt, Polo, je me casse. Ok, d'accord. Le mafieux. Écoute-moi bien, petit connard. Tu m'envoies des ch'emmerdes tous les soirs. Il y en a marre. Écoute, je reçois des mails, des messages, des appels masqués. Avec des je t'emmerde, je vous emmerde, il y en a marre. Il faut arrêter les conneries, mec. D'accord, oh là là, Bilal. Ouais, Bilal. Ouais, et toi? Ben voilà, la famille, ça va, tranquille, bon. Au calme, c'est bon du quartier. Bon, qu'est-ce que tu veux, Bilal? C'est pour savoir, j'étais un PD. Qui ça? What? Ben non, pas du tout, pourquoi? Tu prends ton cas pour une généralité, Bilal, ou quoi? Voilà, j'ai... C'est ça, hein. Jean-Jacques Dulac. Oui, Polo. Alors, oui. T'as le choix, te faire couper les jambes à vis ou te faire chier dans la bouche. Qu'est-ce que tu choisis? À ton avis, je me préfère me faire chier dans la bouche, Jean-Jacques. J'annonce. Ouais, Polo, t'es prêt? Bah non, je suis pas prêt. Mais Polo, je me casse direct. Mais là, pourquoi? Direct, je me casse. Bon, et j'annonce, tu vas aller où là? Mais je me casse, Polo. D'accord, ok, d'accord, j'annonce. Le mafieux. Y'en a marre, tout ça. Y'en a marre. Des messages, des mails. Best est mort, bordel de merde. Best est mort. T'as compris? D'accord, le mafieux. Retour de Bilal. Ouais, t'es pour quelle équipe de foot? Aucune, j'aime pas le foot. Et toi? T'aimes le rugby? Hein? T'aimes le rugby? Ah, non plus, je déteste. T'aimes le golf? Non. Tu fais quoi? De quoi? T'aimes quoi? J'aime les combats de MMA. La vérité est dangereux. Ou du UFC si tu préfères. Jean-Jacques Dulac, le retour. Oui, tu préfères avoir le sida ou la gastro de ta vie? La quoi? La gastro de ta vie. Je préfère la gastro, espèce de con, va. Et reviens pas avec ce genre de merde. J'annonce. Ouais, Polo. Ouais. Putain, tu l'as fini ton émission, je me casse. J'annonce, pourquoi? Parce que je me barre, mais Polo, tu te barres parti, là. Je suis parti, Polo. Bon, d'accord, j'arrive. Le mafieux. On va pas te laisser les pieds. On va te trouer le cul, PD. T'as compris? Enculé, là. Oh, quel mafieux, retour de Bilal. Ouais, gros. C'est quand la première fois que t'as fouffé? Que j'ai quoi? Que t'as baisé. Ah, il y a longtemps. 12 ans et demi. Hein? T'as dit quoi? C'est qui te souffle derrière? C'est un pote, un sale, ça veut le Majid. Bon, dis à Majid que ça le regarde pas. Jean-Jacques Dulac. Oui, est-ce que tu peux faire ça? De quoi? Ah, il s'est raccroché lui-même à la gueule. On va terminer ce polo contre le reste du monde avec Bilal. Bilal, conclusion s'il te plaît. Eh ben tchuss mon pote, la vérité vous flinguez, vas-y. Ok, allez, ciao. Le mafieux, conclusion, je te prie. Je veux venir, je veux brûler ta maison. D'accord. Je veux venir qui est PD là. Va te faire enculer, gros bâtard. Allez, nique ta mère la pute, hein. Tu t'es assez. C'est bon le mafieux. Bon allez, casse-toi le mafieux, et pour terminer, j'annonce. Ouais, putain, elle est finie cette putain d'émission, Polo, je me casse. Bon. Je me casse. J'annonce, putain, j'arrête pas de te le dire. On y va, nous, allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'écoutent, surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça n'a pas de prix. Exactement. Voilà, on va se faire Polo contre le reste du monde. Pas du tout, on va le faire. On va se faire le Top Tweetos dans quelques minutes sur Fun Radio. Top Tweetos, donc en version déjà tous les auditeurs qui ont participé ce soir et qui ont balancé un maximum de messages avec le hashtag MIKL comme on le fait chaque soir. C'est vrai. Le temps que Toff allume son ordinateur, puisqu'il y a tellement de choses à cacher qu'à chaque fois qu'il se barre, il met tous les codes. Pour être sûr de bien perdre du temps en revenant. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a à cacher? Mais j'en sais rien, mais bon. Si vous saviez. Oui, bah justement. Oh, oh là là. Bon, alors, en numéro. Numéro 5. Mr. Steven. Numéro 4. Secret Key. Numéro 3. Christophe. Numéro 2. Nadia Le Prince. Et numéro 1. Virginie 66. Très bien. Qui a déjà gagné, je crois, Virginie 66. Oui, Virginie aussi. Je sais pas, il va falloir qu'on cherche. Bon, on va falloir vérifier lequel a encore gagné là. Enfin, lequel n'a pas encore gagné plutôt, ouais, pour lui offrir le magnifique sextoy offert par. Passage du désir.fr. Évidemment. Et on remettra le couvert demain, bien entendu. Top Tweetos, l'émission. Demain, c'est le canular, évidemment, qu'on fera comme tous les jeudis à partir de 23h. Donc, soyez bien à l'écoute de Fun Radio, c'est important. Prévenez vos potes également, ben oui, hein. Si vous êtes encore au bahut, évidemment, si vous êtes, au travail, prévenez-les qu'il se passe enfin un truc à écouter le soir. C'est sur Fun Radio que ça se passe entre 23h et 2h du mat et tous les dimanches entre 20h et minuit. Merci à Grégory également qui a envoyé son message, enfin qui a envoyé plein de messages. Secret Key, il y avait Jacques également, Tony avec l'application Mickaël No Limites, il y avait Mathieu, il y avait Gouga, Secret Key, je l'ai dit, Nadia Le Prince, bien entendu, il y avait. Fred S34, etc., etc. Merci beaucoup. Rencard demain. Sandro qui va faire quoi là? Là tout de suite. Ouais. Là je vais essayer de pas manger. Ah, elle va essayer de pas manger. D'accord. Ok, très bien. Polo là? Je vais masser le dos et je vais aller dormir parce que j'ai mal au dos. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Je vous ai laissé une soirée de light avec le gainage. Ah hein. Oh, oui, merde, on a. Oh, merde. C'est parce que j'ai mal au dos. Bon, je vais pas le faire le malin. Mais demain on fera. Non, on va faire avec Polo avant de partir. Ouais. Ah bah non. Demain on fait demain. Je serai là demain. Je fais le bordel demain. Demain. Non, demain. Et tu sais quoi, demain on fait 65 secondes pour rattraper. Allez. Voilà. Allez, hop. Allez, 70. Comme après c'est 90. Eh ben voilà, 70 secondes demain pour le gainage, là, le défi 30 jours, hashtag défi 30 jours sur le Facebook. Vous l'avez certainement vu passer, bien entendu. On fait ça depuis la semaine dernière. Et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Oui, ouais. Quand on n'oublie pas. Pour l'instant, c'est la première fois. On l'a pas oublié, c'est juste. Enfin bref. Allez, bonne nuit tout le monde, regarde demain 23h. Salut 23h, 2h. Mickaël No Limites sur Fun Radio. Fun Radio.